Stephen King aime les souris, Stephen King aime le café, Stephen King a écrit La Ligne Verte et Frank Darabont l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, comment vas-tu ? Eh ben écoute, malade, une crève qui dure depuis maintenant une semaine. Ouais, moi aussi, mais ça passe un peu là. Donc je m'excuse auprès de toi pour les nombreux montages que tu vas devoir faire pour couper mes quintes de tout, qu'il risque d'y avoir pendant les enregistrements. J'ai l'habitude. Oui, oui. Donc on enregistre en un jour d'élection en plus, on va dire que ça nous fait penser un peu à autre chose. C'est vrai, j'ai déjà fait mon devoir citoyen. Moi j'irai le faire après, j'irai voter bien évidemment pour Anne Hidalgo par bonté, par charité. Ce n'est pas vrai. Attends, faut bien lui donner une voix la pauvre, pour la remercier d'avoir participé. Donc aujourd'hui nous allons parler de La Ligne Verte, The Green Mile en VO, qui a été publié en 96, et de son adaptation par Frank Darabont, sortie en 1999, de 188 minutes. Comme d'habitude, nous allons spoiler le livre et le film, et je propose qu'on y aille directement. Eh bien, allons-y. La Ligne Verte nous raconte l'histoire de Paul Edgecombe, qui était gardien de prison dans les années 1930 en Louisiane, sur la Ligne Verte, donc sur, dans le couloir des condamnés à mort. Et un jour arrive dans son bloc un homme noir afro-américain de grande taille. Une masse. D'abord inquiétant, mais très vite, on voit très vite qu'il est plutôt sympathique et qu'il semble avoir d'étranges pouvoirs de guérison. Et donc ça tourne autour de l'histoire de cet homme, de Paul et des différentes autres personnes présentes sur la Ligne Verte à ce moment-là. Le roman, c'est un peu particulier la manière dont il a été publié, parce qu'il n'a pas été publié directement en volume unique, il a été publié d'abord sous forme de roman feuilleton qui sortait de manière mensuelle. Et l'idée de publier quelque chose en feuilleton a été donnée à King par un de ses agents, Ralph Vincinanza, ce qui l'a poussé en fait à prendre en compte cette idée qu'il avait depuis un moment de parler de la chaise électrique, de la peine de mort, de ce genre de choses. Pendant une période, il pensait qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire sur les prisons dans une autre de ses histoires, Les Évadés, qui est publiée dans différentes saisons, et dont on aura l'occasion de parler, puisqu'elle est aussi adaptée par Frank Darabont. C'est ça, également réalisée par Darabont. Et en fait, King dit en interview qu'il était un peu feignant avec cette idée qu'il avait, il savait que ça lui demanderait du travail, que ce serait pas forcément quelque chose de simple à écrire, et que donc si on lui mettait pas une contrainte, il laisserait toujours passer un autre projet devant, un projet plus habituel pour lui, on va dire. Et donc le roman feuilleton, c'est une contrainte de ce genre-là, parce qu'il fait une promesse au lecteur, et une fois qu'il s'est lancé, il a pas le choix de continuer et d'arriver au bout. Ça doit être un sacré travail sur soi-même, quand même, quand on n'a pas l'habitude. Hein. Oui, je pense. C'est vraiment un challenge. Le livre a été publié d'abord chez Signet Books, donc sous la version en série, un éditeur qui à l'époque se centrait soit sur les rééditions de classiques pour pas cher, soit sur des pulps pas très coûteux, et c'est en fait chez eux que King avait publié les premiers romans de Bachman. D'accord. Alors le cinquième Bachman, La peau sur les os, avait été publié chez dans une collection sœur de Signet, mais un tout petit peu plus prestigieuse. En fait c'est chez eux qu'il a voulu faire des essais, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est sorti sous forme de feuilleton, donc en 6 épisodes, un par mois à partir de mars 1996, et la version en tome unique arrive à peu près un an plus tard, le 5 mai 1997. Les volumes sont illustrés par Mark Edward Geyer, qui plus tard illustrera aussi Élévation, un roman court plutôt sympathique, qui adopte un style un peu à l'ancienne, qui fait un peu vieille illustration de Dickens ou de choses comme ça. C'est des illustrations très jolies. Ouais, je les aime plutôt bien, ouais. Alors moi, dans mon édition, il y en a peu. Je sais pas s'il y en a plus, normalement. Non, enfin, moi, dans mon édition, il y en a pas plus, et j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup de base. D'accord, il y en a une qui conclut à chaque fois le chapitre en cours, et puis... Ouais. Et King cite d'ailleurs Dickens comme une de ses principales sources d'inspiration dans le roman feuilleton. Ça a eu une certaine influence sur la structure du livre, puisque en fait, à partir du deuxième volume, de la deuxième partie, chaque partie va commencer par une scène à la maison de retraite de Paul Edgecombe, une fois qu'il est très très vieux. Et ça permet non seulement d'encadrer le récit, mais aussi de rappeler discrètement ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Pour les personnes qui avaient un temps d'écart entre chaque épisode, ou alors qui, pour une raison ou pour une autre, prenaient la série en cours, loupaient un épisode, ce genre de choses. C'est le previously qu'on trouve aujourd'hui dans les séries télé. Oui, c'est ça. Et aussi dans l'ensemble, les débuts des deuxième chapitre de chaque partie, qui retourne au contexte flashback, reprennent les derniers mots de la fin de la partie précédente. Oui. C'est ce qui explique aussi certains anachronismes, puisque King devait faire ses recherches, enfin n'avait pas vraiment le temps d'ailleurs de faire ses recherches. Donc certains feuilletons radio qui sont cités, ou la BD porno avec Popeye, une longue histoire, ne sont visiblement pas très exacts au niveau datation. Et si le roman se passe réellement en Louisiane, ce qui est jamais affirmé, mais on peut le supposer étant donné qu'il y a l'évocation que Brutus a fait ses études dans l'université de Louisiane, la chaise électrique, en fait, n'a été adoptée là-bas qu'en 1941, alors que le roman se passe en 1932. Ah oui. Jusqu'alors, c'était la pendaison qui était utilisée pour les condamnations à mort. Bon, ils étaient en avance sur leur temps, mon petit gars. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un pays civilisé. King avait apparemment une certaine avance quand même sur l'écriture, parce qu'au moment de la publication du premier épisode, il avait déjà écrit les deux suivants. Mais il ne savait quand même pas comment ça allait se terminer, et quand il a commencé le premier, il avait vraiment aucune idée de comment ça allait s'orienter. Par exemple, il savait que Kofi ne serait pas le coupable de son crime, du crime pour lequel il est accusé, mais il ne savait pas, en commençant le roman, qui serait le véritable coupable. Visiblement, par contre, un élément qui est réaliste, c'est que c'était assez fréquent, soit à l'époque avec la pendaison, soit au début de la chaise électrique, que les exécutions tournent mal à cause de problèmes de courant ou de trucs comme ça, et que ça devienne assez rapidement des boucheries énormes. On en reparlera, mais oui, il y a une scène assez effrayante à ce sujet-là. Ouais. D'après le Los Angeles Times, la combinaison des 6 épisodes s'écoule à environ 20 millions d'exemplaires et reste à eux tous 93 semaines sur la liste des best-sellers du Publisher Weekly, ce qui permet à King à un moment d'avoir 8 livres à la fois sur cette liste, donc les 6 épisodes de La Ligne Verte, plus Désolation et Les Régulateurs qui ont été publiés cette année-là. Donc voilà, un succès conséquent qui poussera un autre auteur à s'y essayer, à la forme feuilleton, c'est John Saul qui a tenté l'expérience avec un roman appelé The Blackstone Chronicles que je ne connais pas du tout. Moi non plus. Le roman gagnera le prix Bram Stoker du meilleur roman 96 et il est nommé au British Fantasy Award et Locus Award. Au Locus Award, il arrive 8e du vote final. Et un sondage de la BBC en 2003 le place 146e roman le plus apprécié au Royaume-Uni entre Papillon et James et la Grosse Pêche. Ah. Un roman sur la diarrhée. Non, pas du tout. Non, mais en plus, c'est bien James et la Grosse Pêche. Et qui a donné un très bon film d'Henri Selick. Oui, effectivement. C'est évidemment un roman qui fait partie des très grands classiques de King et qu'on va souvent trouver dans les classements des tops de ses livres. Ouais. King lui-même a retenté l'expérience feuilleton avec The Plant, qui était publié sur son site internet, mais ça, c'est pas arrivé au bout, hélas, apparemment pour des questions principalement de lectorat, ça intéressait pas grand monde. J'espère toujours qu'un jour ils finissent ça. Et de manière assez amusante, ça concerne pas La Ligne Verte, mais apparemment, The Plant, il y a Alexandre Aja qui veut l'adapter. Donc il y a Alexandre Aja qui va adapter un roman inachevé de King. D'accord. Ce que je demande à voir. Ah, moi, dès qu'on parle d'Alexandre Aja, je demande à voir. Oui. De base. Qui a déjà eu des contacts avec la famille puisqu'il a adapté Joe Hill. C'est vrai, avec Horn. Ouais. Que je n'ai pas vu, mais tu m'en dis déjà. C'est vraiment cool, ouais. Après, Aja, ça sera pas la première fois qu'il a des projets qui ne se font jamais, malheureusement. Oui, hélas, effectivement. Eh bien, sur la production et l'écriture du livre, c'est tout ce que j'ai à dire. On va pouvoir passer à nos avis, et comme d'habitude, à toi l'honneur. Eh bien, La Ligne Verte, c'est comme ça. C'était une lecture plutôt ancienne, donc j'avais pas mal oublié la trame dans mon esprit, enfin la trame. J'avais bien entendu les grandes lignes, mais certaines choses m'étaient sorties de la tête. J'avais totalement oublié tous les passages en maison de retraite, par exemple. Bah, ça t'était tellement sorti la tête que je me souviens de ce message que tu m'as envoyé. Ah, j'espère que Kofi, ils vont le pendre, ce petit salopard, là. Ah, qu'il est con, celui-là. Non, pas du tout. C'est pas la première fois qu'on aborde un roman de King qui est pas uniquement horrifique. Là, on est vraiment dans du roman même plus dramatique que fantastique. Il y a bien entendu une petite touche de fantastique, mais elle est très légère. Et en fait, c'est pas sur elle que repose la majorité de l'intrigue et la majorité du développement des personnages. Tout repose vraiment sur eux, en fait, sur leurs caractéristiques, sur ce qu'ils veulent et ce sur pourquoi ils sont là. C'est vraiment peut-être le roman de King qui aborde le plus la balance entre le bien et le mal. Oui. C'est vraiment le sujet central du livre. C'est le bien, le mal, et ça en est même peut-être un peu trop tout blanc, tout noir, parce que t'as l'impression que vraiment les méchants sont totalement méchants, alors que les gentils, bah, ils ont absolument rien à se reprocher. C'est peut-être un peu trop manichéen sur les bords. Ouais, il y a que de la croix qui est à la limite un peu entre les deux. C'est tout, qui est entre les deux, c'est vrai. Mais même ça, on nous parle pas tellement de ce qu'il a fait. On nous dit qu'il a commis un massacre, mais on rentre pas plus dans les détails que ça. On rentre pas dans les détails, mais on sait quand même, de la croix, ce qu'il a fait de base, c'est qu'il a violé et assassiné une jeune femme, et qu'après il a foutu le feu au cadavre pour tenter de dissimuler. Et que le feu a hélas s'est diffusé et a tué 6 autres personnes. C'est ça. C'est un peu la faute à pas de chance, quoi. Ouais, enfin, ça marche pas devant un tribunal, ça. Bon, on pourrait essayer. Oui, mais pour contrebalancer, bah, il a une petite souris toute mignonne. Oui, tu vois. C'est ça. En fait, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est un roman très manichéen, au final. Alors que King nous a pas habitués à ça. Bien au contraire, en fait. Très souvent, même ces personnages bons ont une petite part un petit peu ténébreuse en eux, oui. Ont des petits trucs à se reprocher, des trucs qu'ils ont à se reprocher et qui les font avancer au fur et à mesure du roman. Après, par contre, dans l'ensemble, ces méchants sont très très méchants, très oui. Très sombres. Par contre, il a toujours eu le méchant typique façon Carpenter avec Michael Myers, le mal brut. Ouais, c'est voilà. Ça. C'est, il a aucune raison, mis à part faire le mal. Bah, c'est notamment le personnage de Percy. Ouais. Le personnage de Percy, on le retrouve dans énormément de Roland King. Ce personnage qui n'est là que pour ça. Et Billy the Kid aussi. Et Billy the Kid aussi. Martin. Mais Percy, peut-être plus. Parce que tu vois que c'est un personnage qui aurait pu très bien tourner dans la vie. Mais tu sais pas pourquoi, t'as l'impression qu'il était destiné à être une raclure. C'est plus ou moins ce qu'en dit Café, hein, d'ailleurs. Oui. À la limite, si, il y a quand même un peu le fléau où il y a très très clairement cette lutte du bien et du mal, aussi quand même très nette. Ouais, c'est l'autre roman auquel je pensais, ouais. Effectivement. Mais mis à part ce côté manichéen, bah, comme d'hab, c'est très très bien écrit. Les personnages sont très attachants, que ce soit forcément de Café à Delacroix. Le personnage du chef indien aussi, qui est un petit peu délaissé dans le film, qui est plus mis en avant dans le roman, ouais. Qui lui aussi a des passages à lui qui sont plutôt touchants quand il reçoit sa famille, au moment de la prière, même au moment de son exécution, alors que tout ça c'est un petit peu zappé dans le film, on en reparlera. Ouais. Après forcément tu peux pas... Le film est déjà très long. Oui, on y reviendra, mais je trouve pas que ce soit une mauvaise chose d'avoir un peu délaissé ce personnage-là. Clairement pas. Mais même Percy et Bill, c'est tellement des personnages vraiment maléfiques, que l'écriture fait que tu te réjouis quand il leur arrive ce qui leur arrive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Babil, il meurt, comme une sombre merde. Il se fait tuer alors qu'il est en train de dormir. Et l'autre devient tout ce qu'il a passé son temps à critiquer. Oui, tout ce qu'il voulait torturer, parce que Percy, en fait, donc c'est un gardien de prison qui sadique, qui profite de son pouvoir sur les condamnés. Qui, dont le rêve est d'assister à une exécution capitale, et quand il va en diriger une, ça va être une boucherie parce qu'il va faire exprès de la saboter pour que le condamné de la croix souffre le plus possible. je pense qu'on reparlera de cette scène. Ouais. Et après, il devait aller dans un hôpital psychiatrique, et on suppose, bah, pour continuer exactement les mêmes traitements, cette fois-ci sur des malades. Qui peuvent encore moins se défendre. C'est ça. Et lui-même, en fait, à la fin, va subir un tel traumatisme qui va devenir catatonique. Je pense que c'est ça. Et donc se retrouver dans cet hôpital psychiatrique, mais en tant que patient et pas en tant que gardien. C'est ça. Et puis le développement de tous les autres personnages, que ce soit Paul Edgecombe, donc le personnage principal, ou son ami Brutus, ouais. C'est un... En fait, en plus d'être un roman vraiment sur le bien et le mal, c'est également un roman tout simplement en fait sur, sur la vie. Sur tout ce qui peut arriver, de bien, de mal, sur l'évolution personnelle. C'est vraiment ça, pour moi, le plus important de La Ligne Verte, outre son aspect fantastique, c'est ça en fait, c'est le destin de tous ces personnages-là. Ouais. Parce que King nous l'énumère en plus, ce qui leur arrive à tous ces personnages. On sait que Brutus fait une crise cardiaque des années après, et en fait, ce qui m'a sauté aux yeux pendant ma lecture, c'est que ça, c'est quelque chose que beaucoup de films ou d'autres romans font. Te dire ce que les personnages deviennent, mais ils le font en général de manière tellement abrupte que ça te sort de l'œuvre. C'est-à-dire, ils te le balancent comme ça, quand c'est des films, ils te le balancent en mode pancarte, écrit ouais. sur l'écran. Alors, un tel, bah voilà, il va vivre heureux, il va crever à tel âge, et ça te sort. Alors que là... C'est un truc de biopic, ça. Oui, typiquement. Alors que là, c'est Paul, dans son journal intime, qui le décrit, mais il le dit comme ça, parce que ça lui vient en tête. Ouais. C'est pendant l'exécution de Café qu'il l'énumère. Il dit que il parle de Brutus. Brutus était dans tel sentiment à ce moment-là. Il mourra quelques années plus tard d'une crise cardiaque. Voilà, il l'énumère parce que ça lui vient en tête. C'est pas parce qu'il faut que le lecteur le sache. C'est juste lui qui l'écrit à ce moment-là parce qu'il y pense. Mmh. C'est amené de manière tellement naturelle que vraiment ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, bah. C'est étonnant que pourquoi les autres œuvres ne le font pas comme ça. Bah, ça a été la bonne idée de King d'introduire cette dimension récit dans le récit qui permet de jouer avec les flashbacks, avec les souvenirs justement. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, de raccrocher le lecteur et les lecteurs qui prennent le train en marche. Et il y a aussi tout cet aspect-là, encore une fois lié à la vie et tout ce qui en découle. Tous ces personnages qui souffrent de maladies, Paul Edgecombe et son affection au début, la femme du directeur, je crois que c'est le directeur, ouais, directeur de la prison. Al. Du directeur de la prison, bah, qui a un problème neuronal. C'est une tumeur. Oui, c'est une tumeur, je vais chercher mes mots. Donc la femme du directeur de la prison qui a une tumeur, que Coffey va soigner. Voilà, c'est vraiment un roman sur la vie. Et la conclusion du roman l'est également. Mmh. La toute dernière phrase est d'une puissance incroyable. Ouais. Qu'elle est longue, La Ligne Verte. Bah, je trouve ça assez joli, en fait, c'est tout cet aspect qui est traité à la fin, parce que donc il y a une scène dans le roman, qui est aussi dans le film, même si elle est un peu différente, où Café va involontairement, enfin on sait pas trop dans le roman si c'est volontaire ou pas, transmettre une petite partie de son pouvoir à Paul, ouais. Et en fait ça va donner une vie prolongée à Paul, et aussi c'est très fortement supposé, une sorte de... On appellerait ça des points de destin en jeu de rôle, c'est-à-dire une capacité à échapper aux événements graves de la vie. Ce qui, à première vue, peut paraître bien, mais le souci, c'est qu'il va voir tout le monde mourir autour de lui, et surtout sa femme mourir, pour le coup, dans un accident horrible, dont lui va être un des seuls survivants. Donc il y a ce thème-là sur la fin, où il se demande si Café lui a fait un cadeau, ou si c'est un peu sa punition, justement pour avoir exécuté Café, parce que ce thème-là est aussi présent dans le livre. Il apprend finalement que Café est innocent, que c'est Wharton qui a tué les deux petites filles. Parce qu'il y a un vrai travail d'enquête de sa part dans le roman, et on l'abordera, qui n'est pas présent dans le film sans que ça soit plus gênant que ça. Mais il y a tout cet aspect remise en question de la décision de justice que Paul a tout au long du roman, en fait, qui du coup est, je trouve, beaucoup plus douce-amère dans le roman, parce que c'est lui-même qui a la conviction de son innocence et qui fait lui-même un travail d'enquête ouais. pour avoir les preuves nécessaires pour savoir que oui, effectivement, il est innocent. Alors qu'il sait très bien qu'il pourra rien changer, que la décision est prise. Mais, ouais, c'est ça, et qu'on refera pas un procès voilà. Pour un Afro-Américain. Il sait que c'est couru, surtout à cette époque-là. Oui, voilà, c'est ça. Il sait que c'est couru d'avance et que, quoi qu'il en soit, Café passera sur la chaise, mais il veut quand même le savoir. Alors que, non, on verra dans le film, ça lui est jeté un petit peu au visage comme ça, quoi. C'est Café qui lui donne une vision et puis voilà, il comprend qu'il est innocent. Ce qui marche aussi, mais autrement, on va dire. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux amené dans le roman, cet aspect-là, justement, parce que ça donne, encore une fois, un aspect un peu triste à toute la situation. Parce que c'est lui qui prend conscience que le système dans lequel il est peut-être un peu foireux. Alors, c'est pas non plus dit à fond. Ce qui est un peu inhabituel, ça aussi, chez King, parce que d'habitude, la critique sociale, là, ça y va. Là, il n'y en a pas tellement. Ou alors, elle est beaucoup moins appuyée que d'habitude. Je trouve qu'elle est présente quand même, parce que au final, Paul et Brutus se retirent des prisons et vont dans un centre de rééducation. Pour pouvoir les aider avant. Ça y est. Et à mon avis, il y a ça en partie parce que ça écrit sur un personnage qui a 90, enfin qui a 100 ans au moment où il écrit, ça raconte son histoire dans les années 30, donc qui est imprégné de cette culture-là. D'ailleurs, il y a plusieurs expressions, plusieurs remarques qui sont faites dans la narration qui correspondent clairement pas à ce que dit King, notamment justement sur les personnages afro-américains. Il y a 2-3 moments où il y a des remarques quand même plutôt racistes, même de la part du narrateur. Donc je pense que ça fait partie de la démarche de King, de se dire je veux faire passer un message, mais je peux pas me permettre d'avoir un personnage totalement progressiste étant donné ce que j'ai choisi comme narrateur. Oui, voilà, parce que l'époque veut ça, justement. La scène qui fonctionne bien niveau racisme de l'époque, c'est celle avec le journaliste, qui est avocat, c'est l'avocat dans le livre. Les journalistes dans le film. Celui dont le chien a attaqué son enfant. Ouais, c'est ça. Qui a défendu, en fait, Café. Et c'est la première personne que va voir Paul quand il commence son enquête pour dire « Je ne comprends pas, ce mec est adorable dans la prison, je ne vois pas comment il aurait pu tuer quelqu'un. » Et en fait, l'avocat va faire le comparatif entre les Afro-Américains et les chiens en disant ça fonctionne pareil, ça a l'air gentil tout le temps, et puis un jour, ça finit par attaquer. Et en effet, l'avocat a eu un de ses enfants qui a été attaqué par un chien et qui est mutilé, qui est défiguré. Et donc ça montre bien le racisme de l'époque où le mec est pas pour l'esclavage, mais quand même, la comparaison entre un Afro-Américain et un chien, pour lui, elle est naturelle. Il les compare quand même à des bêtes, donc ouais. C'est quand même, ça veut dire ce que ça veut dire, effectivement. Ouais. Donc je trouve que c'est justement intéressant de faire passer le message social comme ça, sans pouvoir trop l'appuyer au final. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins appuyé que d'habitude. Ouais. Mais oui, c'est quand même on va pas mâcher les mots, hein. La ligne verte, c'est quand même un putain de roman. Ouais. C'est vraiment c'est un très beau roman, tout simplement. Ça se rapproche beaucoup au niveau de la narration et justement des sentiments que ça peut te procurer, ça se rapproche beaucoup de Cœur perdu en Atlantide. Oui. Au niveau de l'ambiance, un peu posé comme ça, avec des petits éléments fantastiques, mais qui reste quand même un drame centré sur des personnages, ça se rapproche vraiment de ça. Ou même de Rita Hayworth, c'est la rédemption de Shawshank, hein, donc Les Évadés. Oui, c'est vrai. Qui est narré par un autre prisonnier, par le personnage de Morgan Freeman, et qui a une fin aussi un peu douce amère. J'aime beaucoup la fin des Évadés aussi. Ouais, on y reviendra forcément. De la Croix, dans les personnages, on disait que c'était un peu le plus ambigu, parce qu'effectivement, dans le livre, on sait ce qu'il a fait, mais à côté de ça, tel qu'il nous est présenté activement, on va dire, ce qu'on voit de lui, en fait, est toujours plutôt attachant. Il y a l'idée de Mr. Jingles, donc c'est une souris qui est arrivée à la ligne verte, qui avait l'air déjà apprivoisée et qui semblait chercher particulièrement de la Croix. Donc ça, c'est un des éléments un peu fantastiques, on sait pas exactement d'où sort Mr. Jingles, ce que c'est, etc. Même si c'est censé représenter quelque chose ou une quelconque métaphore, je ne la comprends pas. Je pense que c'est juste une forme de rédemption, une forme de présence pour l'aider à aborder de manière plus sereine la mort, à se refaire. Je pense que c'est la rédemption un peu, Jingles. Ouais, c'était vraiment l'animal que je ne comprenais pas. Peut-être juste parce qu'il n'y a pas moyen de faire rentrer 100 000 trucs dans une prison et qu'il a hésité avec un charançon, mais que c'était quand même moins efficace, moins mignon. Un cafard dégueulasse. Charançon City. Pareil, jeune café, il s'appelle peut-être comme ça juste parce qu'il avait une tasse à portée de main. Il aura écrit le livre deux ans plus tôt, machin s'appelait Jack Daniel. C'est comme la boisson, mais ça s'écrit pas pareil. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais Delacroix, donc, va avoir une rivalité, surtout... Enfin, une rivalité... ils sont antagonistes, clairement, avec Percy, le gardien bourreau, qui déteste Delacroix pour des raisons inexistantes, au final. Et donc... Il lui a touché l'entrejambe sans faire exprès en chutant du camion qui l'amenait au bloc E. Voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est plus une excuse qu'autre chose. Probablement, voilà. On peut supposer qu'il aurait trouvé quelque chose d'autre pour s'acharner sur Delacroix dans tous les cas. C'est ça. C'est dans le film où c'est totalement gratuit, parce qu'il n'y a pas d'explication. Ouais. Et donc, Delacroix, à la fin, au moment d'être condamné à mort, bon, déjà, Percy va essayer de tuer Mr. Jingles, mais ça, John Coffey va la soigner. Il va la ressusciter. Et au final, c'est la condamnation à mort qui va être très violente, parce qu'en réalité, pour la chaise électrique, on mouillait une éponge pour aider le courant à circuler et donc à rendre l'exécution rapide, sauf que Percy va volontairement laisser l'éponge sèche, et ça va rendre l'exécution très longue et très douloureuse. Et effectivement, c'est une scène très marquante du livre. Très marquante parce que, comme d'habitude, le descriptif te fait comprendre que Delacroix souffre le martyr. Ouais. Et que, en tant que spectateur, parce qu'à l'époque, il y avait les gens impliqués dans l'affaire pouvaient assister aux exécutions, que ça devait pas être très très joie à savoir, quoi. Ouais. On nous décrit des réactions d'évanouissement, de vomissement... les gens qui essayent de fuir la salle, voilà, c'était pas foufou. Plus la tempête dehors, parce que c'est une scène où il y a une énorme tempête qui est en train de se produire. Ouais. Tempête, éclair, l'eau qui s'infiltre dans la salle, forcément, qui dit chaise électrique dans les prisons comme ça, dit que le courant part un peu en couille dans tous les restes de l'établissement. Donc oui, la scène est décrite de manière vraiment apocalyptique. J'aime bien l'idée que Paul, d'ailleurs, à cette exécution, puis à celle de Café, a l'air de considérer que c'est normal, c'est bien si les personnes qui y assistent souffrent un peu, qu'au final, elles ont voulu assister à ça, elles ne méritent pas de s'en sortir indemnes. Ouais. Je trouve ça aussi intéressant, effectivement, parce que oui, on voit pas une condamnation à mort comme on voit au spectacle. C'est ça. Même si pour beaucoup, c'était un peu ça. Bah oui, c'est ça, mais du coup, c'est assez anormal. Je crois que maintenant c'est privé les condamnations. Je me demande si la famille assiste pas, n'a pas encore le droit d'assister. Oui, peut-être la famille du condamné, mais ça à la limite c'est compréhensible. Voilà. Mais est-ce que la chaise électrique existe encore? Maintenant c'est que par injection létale. Je crois que c'est que par injection létale. Non, je crois pas qu'il y ait des états qui aient encore la chaise électrique. J'espère pas. Ça me paraît très barbare encore. Ouais. Enfin, déjà la peine de mort me paraît barbare. Oui, voilà. C'est ça. Après, il y a des pays où il y a encore la pendaison. Hein. Le Japon, c'est encore la pendaison, par exemple. Chez nous, ça y était encore il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, mais c'était la guillotine. Nous. C'était Oui, mais bon. Ouais, c'est quand même nous... assez barbare aussi. Ouais, mais nous, il y avait un côté révolutionnaire. C'est la guillotine, c'est le truc des rois, tu vois, c'est un peu noble. C'est notre tradition. Mais bon, chez nous, ça a été supprimé quand? Dans les années 80, donc. C'était un peu avant celui de Giscard. Non, sous Giscard, l'abolition de la peine de mort, ouais. Tu as vu que c'était Mitterrand? Non, c'est très surprenant, mais c'est Giscard. Ah, d'accord. Donc, Années 70. Fin 70, quoi. Ouais. Donc, c'est pas si vieux que ça, effectivement. Puis, c'est qu'on l'arrête à 10. Hein. Non. Ah, bah oui, mais bon, il y a des candidats. On va pas y couper, je pense. Hein. Non, bah justement, si. Ouais, non, y compris peut-être Macron, parce que ça m'étonnerait pas comme mesure. Ah, bah on la remet pour lui. Oh, pardon. On va avoir des problèmes. Ah, pardon, il fallait pas de politique dans mon podcast. C'est une scène où le mal triomphe, c'est même la scène où le mal est le plus puissant avant le retournement de situation avec Café qui va un peu changer les choses dans ce qui est le cinquième épisode, en soignant la femme du directeur de la prison et en punissant ceux qui méritent de l'être. Mais oui, elle est effectivement littéralement apocalyptique. Oui, clairement. Il y a une bonne capacité à créer aussi justement du suspense autour de ça, parce qu'on le sait assez tôt que Delacroix a eu une exécution douloureuse, je crois que c'est mentionné dès le premier épisode, mais vraiment en passant. Et Je me souviens que c'est mentionné avant. Ouais, c'est une des techniques qui permet de créer un suspense, en fait, sur ce qui va se passer ensuite. À ce niveau-là, bah, c'est un truc que King fait habituellement, même dans ses romans en un seul volume. Dans le feuilletonesque, ça fonctionne bien. Je me souviens que l'un des chapitres, enfin des épisodes, se termine sur l'évocation, comme quoi la chose la plus horrible qui va se produire pendant cette année-là, c'est l'exécution de Delacroix. C'est comme ça que se termine l'épisode. Mais je ne sais plus si c'est le premier ou le second. J'ai souvenir que c'est le premier, c'est celui aussi qui évoque directement que Brutal et Paul n'ont plus travaillé à la ligne verte très peu de temps après les événements qui sont en train d'être racontés. D'accord. Donc c'est intéressant de poser comme ça plein de choses. Ça, bah, c'est clairement pour donner envie au lecteur de lire la suite. Oui, c'est une technique habituelle du roman feuilleton. Bah, c'est créer du cliffhanger. Ouais, c'est ça. Ça, oui. Ça accroche. Même si nous, bah forcément, on l'a eu en édition un seul tome, donc oui. Bah tu l'as, bah tu lis. Mais oui, quand c'est publié en feuilleton, effectivement, il faut accrocher le lecteur. Donc. Bah et puis je pense que ça a dû alimenter les discussions à l'époque, au rythme de la sortie. Oui. Ça devait être sympa de le découvrir comme ça aussi. Entre lecteurs. Ouais. Chez nous, c'était publié dans la collection Folio 10 francs. Oui, exact. Exact. On peut encore le trouver dans cette version en cherchant bien. Quelque chose que je voulais mentionner, c'était que j'aime beaucoup encore une fois sur les personnages et particulièrement sur Paul et Brutus, le côté vraiment très humain qu'ils ont envers les prisonniers et surtout une fois les exécutions passées. C'est-à-dire il y a cette scène où Percy met des claques sur le cadavre du chef indien. Ouais. Et Brutus le vire directement, maintenant qu'il a payé sa dette, c'est bon, ouais. Il est en règle. Bah et puis ça, Paul et Brutus le disent plusieurs fois, leur rôle c'est quasiment un rôle d'assistants sociaux en fait, c'est oui. de s'occuper des prisonniers, de les apaiser justement pour pas qu'il y ait de débordement, pour pas qu'ils deviennent violents et pour qu'ils abordent la condamnation de la manière la plus posée possible. Oui, et puis qu'ils soient le moins terrorisés surtout, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. Terrorisés et qu'ils ne deviennent pas dangereux pour eux-mêmes, ou pour les autres. Oui. Il y a aussi tout cet aspect-là. Avec l'aspect de Paul, promettez n'importe quoi à un prisonnier qui va mourir, du moment que vous le pouvez, ça coûte rien. Oui, voilà. Mais oui, c'est... c'est un excellent roman, tout simplement. C'est un très très beau roman. On passe au film ? Eh ben, allons-y. C'est parti. N'oubliez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie. C'est exactement comme ça que je le vois, oui. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous allez pas le croire. Regardez. C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire. Jusqu'au jour... Un nouveau détenu arrive dès demain. Où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme ? Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Il est... étrange, je dois l'admettre, mais... il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. Je suis convaincu qu'il est innocent. De Franck Darabont. Prenez ma main, patron. Vous verrez ce qu'il a fait. Le réalisateur du film Les Évadés. Un événement extraordinaire. Qu'est-ce que tu viens de me faire ? Avec Tom Hanks. Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. Plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille ? C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? La ligne verte. Le film est donc réalisé par Franck Darabont, un réalisateur d'origine hongroise qui est né en France dans un camp d'immigrés hongrois en fait à Montbéliard, qui fait des bonnes saucisses. Son premier court-métrage en tant que réalisateur, après avoir travaillé déjà un peu à différents postes d'assistant, c'est une adaptation de la nouvelle Chambre 312, qui est déjà une nouvelle de King. C'est en 83 qu'il fait ça. A priori, on aura l'occasion d'en parler un peu, parce qu'elle a été recueillie dans un film qui est en fait un recueil de plusieurs courts-métrages, qui n'est pas tout à fait légal apparemment parce qu'il y a eu des problèmes de droit, mais enfin, ça se trouve. Je crois que c'est dans le chapeau, en tout cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mec développe une passion assez tôt dans sa carrière. Oui, c'est ça. C'est un peu rigolo la manière dont il est devenu fan de King, parce que c'était avec Shining, et en fait à l'époque il était inscrit dans un club de livres, tu sais, façon le grand livre du mois, où tu recevais un livre mensuellement. Ah, d'accord. Et où tu payais après. Et en fait, lui, comme il était étudiant, la plupart du temps, une fois qu'il savait quel était le livre, il renvoyait la carte pour dire qu'il ne le voulait pas parce qu'il n'avait pas de quoi se le payer. Et bah, une fois, il a oublié de le renvoyer, et donc il a reçu Shining en étant plus ou moins contraint de le garder. Il a hésité pendant un instant à quand même le renvoyer, sauf qu'il a commencé à feuilleter le livre et il est tombé direct sur la scène de la salle de bain, tu sais, avec la vieille à poil dans la baignoire. Et il s'est dit, mince, comment on en arrive là? Et du coup, ça l'a poussé à lire le livre et à le garder. Donc voilà, c'est un peu par hasard qu'il est devenu fan. Il a participé à pas mal de scénarios au cours de sa carrière, même une fois qu'il est devenu réalisateur. Il est par exemple sur le troisième Freddy, sur Le Blob, sur La Mouche 2, et sur le Frankenstein de Kenneth Branagh. Et aussi sur plusieurs épisodes des Contes de la Crypte et des Aventures du jeune Indiana Jones. En interview, il dit qu'il a régulièrement été frustré de ce que les réalisateurs ont fait à partir de ses scénarios. Il y a notamment Frankenstein, qu'il n'aime pas du tout, visiblement. Donc c'est peut-être une des raisons qui l'a poussé à passer à la réalisation pour les scénarios auxquels il tient le plus, en fait. Ouais. Son premier film pour le cinéma, il sort en 94, c'est Les Évadés, donc c'est une adaptation de Stephen King. Et même s'il est bien reçu par la critique, à l'époque c'est un échec au box-office, Les Évadés. Et il va gagner sa popularité, surtout grâce au marché de la vidéo par la suite, jusqu'à devenir un film plutôt culte aujourd'hui. Mais clairement. Et c'est 5 ans plus tard qu'il récidive, avec La Ligne Verte. Entre les deux, en fait, il avait cherché pendant un moment un bon projet qui mérite qu'il s'y intéresse en tant que réalisateur, parce que forcément, un film que tu réalises, c'est un moment à passer dessus. Donc il voulait pas y aller pour quelque chose qui le passionne pas. Mmh. Et en fait, il a entendu parler de La Ligne Verte via King avant la publication, qui lui a dit « Je suis en train d'écrire un truc, mais ça va pas t'intéresser, c'est encore un drame carcéral, tu vas pas retourner là-dedans. » Et ben, finalement, si. Et depuis, il a de nouveau adapté King avec The Mist, dont on aura aussi l'occasion de parler, donc. Oui. Donc pour le coup, nos avis vont peut-être un petit peu diverger. On verra quand on y viendra. Même si un gentil auditeur m'a passé la version noir et blanc de The Mist en me disant que ça a changé vraiment beaucoup les choses, donc ouais. Je pense que je regarderai la version noir et blanc quand on s'y penchera. Et je le salue, au passage. Et il a créé aussi la série The Walking Dead, même s'il quitte assez rapidement la production à cause de conflits avec la chaîne sur l'orientation à prendre. Mais il se barre à partir de la fin de la première saison, je crois. Ouais, c'est ça. Mmh. Première saison qui compte que 6 épisodes, donc très très vite effectivement. Il a écrit le scénario de La Ligne Verte en 2 mois. Apparemment sa méthode d'écriture elle a été assez simple, il a fait une liste de toutes les scènes du roman et il faisait dans l'ordre chronologique, il voyait lesquelles il devait garder, lesquelles il pouvait mettre de côté. Il dit que c'est une méthode peut-être un peu feignante, mais finalement c'est plutôt efficace. Bah il en a pas mis de côté beaucoup. Ouais, bon, quand même quelques-unes, mais... La majorité sont quand même là. Ouais, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont là, effectivement. D'après le making-of, il pensait à Tom Hanks pour le rôle de Paul dès l'écriture du scénario. Ah, pas de coffee ? Non. Non, c'est... Apparemment, Tom Hanks en coffee, c'est venu à l'idée de personne. D'accord, bizarre. Nicolas Cage en coffee, c'est venu à l'idée de personne non plus. Enfin, il y a plein de bonnes idées qui auraient été possibles, mais voilà. Ça colle bien pourtant. C'est là qu'on peut se rassurer qu'il n'ait pas fait sa carrière en France parce qu'il aurait adapté La Ligne Verte avec Mousse Diouf dans le rôle de John Coffey. Bon. Ouais, bah même Omar Sy, ça aurait pas été terrible. Il était un peu jeune à l'époque, peut-être, Omar. Oui. Je sais pas s'il était déjà actif en 99. Je sais pas. Tandis que Mousse Diouf, si. Oui, ça fait peur. Ouais. Ça aurait même pu être Vincent Lagaffe, hein, tu sais. En Paul non, William Wharton. Vincent Lagaffe en William Wharton. Non, Vincent Lagaffe en Delacroix. Ah, bah oui. Ah oui. Oui, magnifique, oui. Carrément. Moi, j'aurais vu Patrick Sébastien en Delacroix pour le côté cirque. Non, Patrick Sébastien, il fait la souris. T'as donné nous du budget, là. Ça va être bien. On va faire un mix entre la ligne verte et The Cat. Ça va être catastrophique. Catastrophique. Oh. Oh, bravo. Donc Darabon envisageait Tom Hanks, c'est pareil pour Bonnie Hunt qui joue donc la femme de Paul, Janice, et David Morse qui joue Brutal. Apparemment, il y a quand même eu d'autres acteurs qui ont été contactés pour le rôle de Paul, et Hanks en fait avait déjà été envisagé pour le rôle de Andy Dufresne, donc le rôle principal des évadés, mais à l'époque il avait préféré privilégier un autre petit film appelé Forrest Gump. Ah oui. Voilà. Effectivement, c'était une bonne idée. Donc bon, la carrière de Tom Hanks, on va quand même en parler vite fait. À l'époque, c'était déjà un nom totalement vendeur. Il avait déjà 2 Oscars, le premier pour Philadelphia et le deuxième pour Forrest Gump. Il avait déjà été nommé pour Big et pour Il faut sauver le soldat Ryan aussi. En fait, c'est un acteur qui commence sa carrière assez jeune dans des productions théâtrales locales et universitaires. Et en fait, il se fait assez vite remarquer par son talent. Ses premiers rôles à l'écran, c'est dans des seconds rôles, et soit dans des sitcoms, soit dans des films plutôt orientés comiques. Son premier grand rôle au cinéma, c'est dans Splash de Ron Howard. En fait, il est auditionné pour un second rôle, mais apparemment Ron Howard a tellement aimé ce qu'il a fait qu'il lui a donné le premier. Et dans un premier temps, voilà, on va le voir dans des films comme Big, qu'on a déjà mentionné, Les Banlieusards de Joe Dante, qui est excellent. Je crois que j'ai toujours pas vu. Il est vraiment cool. Et c'est dans les années 90 qu'il va se tourner vers des rôles un peu plus dramatiques, avec Le Bûcher des Vanités de Palma, Philadelphia, Forrest Gump, donc... Bon, Apollo 13, c'est pas vraiment un drame, mais c'est pas non plus une comédie. Et il a régulièrement collaboré avec les réalisateurs Zemeckis, Spielberg et Ron Howard, mais on peut aussi le voir chez les frères Coen dans Lady Killers, qui est hélas pas terrible, ou chez les Wachowski et Tom Tykwer dans Cloud Atlas, ou même chez Eastwood avec Sully. Donc bon, il a un très gros carnet d'adresses. Globalement, les films avec Tom Hanks marchent bien au box-office et restent des films pour une bonne partie qu'on retient par la suite. Il y en a qui sont oubliés, mais il y en a beaucoup qui ont marqué. Donc voilà, un acteur assez majeur. Oui, et puis quand même, qui est un très bon acteur aussi. Oui, qui le mérite, hein, vraiment, très clairement. Sa carrière est amplement méritée. Oui, oui, ses collaborations avec Zemeckis, moi je les aime bien toutes. Ouais. Spielberg, bah, j'en suis un peu moins fan, mais c'est plus Spielberg qui me pose problème que Tom Hanks dans les films. Ouais. Il a le physique idéal pour jouer un personnage de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Et il le sait, il le fait bien. Ouais, c'est ça. Et puis bon, ce qui ne gâche rien, et je pense que vu les mouvements qu'il y a eu récemment aux États-Unis, on aurait su s'il y avait des problèmes. Visiblement, il a quand même la réputation d'être particulièrement adorable. Ouais, sur les tournages. Sur les tournages et en général, donc... J'espère que c'est vrai dans son cas. C'est ça. Keanu Reeves, en fait, est le Tom Hanks de cette nouvelle génération. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. John Caffey est joué par Michael Clarke Duncan, qui entend parler du rôle via Bruce Willis, avec qui il avait travaillé sur Armageddon. Oui, c'est vrai. De Michael Bay. Et c'est terrible, je peux pas entendre Armageddon. T'as dû entendre parler, bah, c'était passé dans l'Oiseuf, cette histoire de hamster dans un anus qui s'appelait Armageddon. Je peux plus entendre ce mot-là sans avoir ça en tête, en fait. Donc je peux pas voir le film de Michael Bay. Bon, bref. Donc on salue Bruce Willis au passage, hein, on est désolé de ses problèmes de santé. Oui, effectivement. En début de carrière, Michael Clarke Duncan, en fait, il avait alterné entre des petits rôles et un emploi de garde du corps. Il a carrément le physique pour ça. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est un emploi qu'il arrête à la mort de Notorious Big, parce qu'il avait été garde du corps pour lui, entre autres, apparemment, donc on peut comprendre que ça l'ait marqué. Et il finit par devenir un second rôle assez régulier, parce que très très reconnaissable, dans des films comme Mon voisin le tueur, de nouveau avec Bruce Willis. Il est très cool, Mon voisin le tueur. Je l'ai pas vu celui-là. Il est très très, très cool. La planète des singes, bon là il est pas reconnaissable parce qu'il joue je crois qu'il joue le général singe, enfin un des principaux tueurs du côté des singes, et donc celui évidemment il est sous une tonne de... Celui de Burton ? Ouais, c'est ça. D'accord. Il est sous une tonne de maquillage. Est-ce que t'as vraiment envie de revoir le film pour vérifier ? Moi, je l'aime plutôt bien, La Planète des Singes, ça va. Ouais. Je le préfère au premier, parce que j'ai toujours pas vu les deux autres, de l'adaptation récente, hein, de la trilogie récente. Ah, moi j'aime bien, La Planète des Singes, Origine. Il est aussi bon bah, dans Daredevil, voilà, ça, oui. Voilà. Dans Sin City, dans The Island. Et il joue apparemment Balrog dans La Légende de Chun-Li. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a quand même joué dans beaucoup de merde. Le ouais, pauvre. Ouais, hélas. Et il est mort d'une crise cardiaque en 2012, ouais. Alors qu'il n'était pas si vieux que ça. Donc, bon, bah. Il est mort un peu avant 50 ans, ouais, quand même. Ouais, c'est ça. David Morse, on en a déjà parlé dans Les Langoliers et Cœur perdu en Atlantide. Un habitué des seconds rôles. Ouais, voilà. Il avait passé une audition aussi, lui aussi pour Les Évader sans être retenu. Et il est aussi dans une autre adaptation, cette fois-ci de Joe Hill, puisqu'il est dans Horns, lui. Ah, d'accord. Il joue le père de la, bah, de la personne qui est morte, donc de la copine du personnage de Radcliffe. Mm-hmm. Et bah, il est très bien aussi dedans, c'est vraiment un très bon acteur. Bah, lui, c'est comme on dit d'habitude avec les personnages qui ont une gueule comme ça, c'est le genre de personnage que tu vois jamais dans des premiers rôles, mais t'es toujours content quand tu les vois. Ouais, c'est ça. Bonnie Hunt, qui joue Janice, elle a aussi une carrière assez active. Elle a joué dans plusieurs comédies du style bah, Jumanji, 13 à la douzaine, Beethoven... Ah mais oui, c'est elle dans Jumanji. Ouais, c'est elle. Mais voilà, je me demandais, mais d'où est-ce que je la connais? Moi, Jumanji, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. C'est plus de 13 à la douzaine que je l'avais retenu. Je les ai vus il y a pas si longtemps que ça. Je ne les ai jamais vus. C'est bien sympa. D'accord. Beethoven, j'ai pas regardé, mais bon... Bah Beethoven, j'ai vu, mais voilà. J'étais petit, donc... Bah et puis, moi, c'est typiquement le genre de truc que forcément je vais pas aimer. Bah tu préfères Amadeus, quoi. Voilà, c'est ça. Elle a joué aussi dans un petit rôle dans Redman et dans Jerry Maguire, et elle fait pas mal de voix pour Pixar, parce qu'elle est dans Mille et une pattes, dans Les Trois Cars, dans Monstres et compagnie, dans les deux derniers Toy Story, etc., etc. D'accord. Celui qui joue le directeur de la prison Almoors, c'est James Cromwell, qui, en dehors d'être de sa carrière d'acteur, est activiste apparemment pas mal engagé, au point d'avoir été arrêté plusieurs fois, pour les droits des animaux, principalement. Ah d'accord, bon, bah, c'est sans doute quelqu'un de bien. Ouais. Et je me disais bien que je connaissais sa tête, c'est lui qui joue le fermier dans Babe. Oui. J'avais totalement oublié, j'avais pas fait le lien de... bah, lui à la base. Lui aussi, c'est un habitué des seconds rôles. Ouais. Il est aussi dans Space Cowboys ou iRobots, et il a un rôle secondaire dans Six Feet Under, et un rôle apparemment plus important dans la saison 2 de American Horror Story, mais j'ai pas vu American Horror Story. Ah oui, c'est le scientifique un peu foufou. Il a un nom de docteur, donc ça doit être un scientifique un peu foufou, ouais, ça doit être ça. Un peu foufou dans... Il fait des trucs un peu dégueux. Delacroix, il est joué par Michael Jeter, qui n'a absolument aucune origine française. En fait, le seul point commun avec son personnage actuellement, c'est qu'il est mort. Bah, ça s'entend, quoi, il parle en français voilà. Dans le film, du moment. Sa carrière est presque uniquement formée de rôles secondaires, voire tertiaires, mais il est dans plein de bons films, en fait, mais à chaque fois dans des petits rôles, mais il est dans des trucs comme Miller's Crossing des Coen. Bon, c'est peut-être pas si bien, mais moi, il me fait marrer Tango et Cash. Oh, c'est sympathique, Tango oui. Et Cash. Oui, mais faut être objectif, c'est pas formidable. Oui. C'est... Mais moi, je l'aime bien. Dans, par contre, que j'aime beaucoup, La Souris de Gore Verbinski. Que je n'ai jamais vu. Qui est celui-là, je pense que tu t'aimerais beaucoup, c'est du Tom et Jerry en live. Dans Las Vegas Parano, dans Jugé Coupable, Intuition, le film de Sam Raimi. Ah. Et dans Le Pôle Express. Et bon, un peu moins bien, il est aussi dans Waterworld et Air Bud. Le Pôle Express de Zemeckis. Ouais. Il est sympa, celui-là aussi. Il joue le méchant dans Air Bud. Voilà. Un méchant clown. Que t'as vu il y a pas longtemps, du coup, Herbert. Ouais, c'est ça. C'est nul à chier. Attends, c'est un chien qui fait du... C'est vrai que c'est un chien qui... Ouais, mais je me disais, c'est peut-être comme les films de chiens de Noël, deux trucs que j'aime pas, ça finit par faire un truc que j'aime. Bah non. Il a eu un rôle dans la sitcom Evening Shade, je le mentionne parce qu'apparemment c'est un de ses rôles les plus importants, et il a joué sur les planches aussi dans des spectacles musicaux, et il est mort d'un infarctus, lui aussi assez jeune, pas très longtemps après la ligne verte d'ailleurs. D'accord. Le chef Bitterbuck est joué par Graham Greene, un acteur amérindien bah, qui est surtout habitué donc au rôle d'amérindien, parce qu'on sait ce que c'est à Hollywood, si t'es racisé, tu joues que des rôles qui insistent sur le côté racisé. Bah surtout aujourd'hui, hein, parce qu'avant c'était pas forcément le cas. Avant de prendre des blancs pour jouer des rôles d'indiens. Ah oui, c'est vrai dans ce sens-là, mais on a rarement pris des personnages racisés pour jouer des rôles qui pourraient convenir à tout le monde, tu vois. Et voilà, c'est pas si fréquent. Avant, on faisait l'inverse. Oui, ça oui. Charles, c'est Branson qui a déjà joué des Indiens. Il y a plein de cas, des personnages qui ont joué des Chinois aussi, des acteurs qui ont joué des Chinois alors qu'ils étaient parfaitement occidentaux, il y en a eu pas mal aussi. Hein. Bah, y a pas un James Bond où t'as Connery qui est déguisé en Asiatique à un moment? Enfin, il y a des trucs vraiment craignos. Marlon Brando a joué un asiatique dans un film. Ah oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Tu crois pas du tout, quoi. Tu vois la carrière de Marlon Brando, tu fais bah non, en fait, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Après, en France, on l'a beaucoup fait aussi. Hein. Tu regardes des films comme Mon curé chez les Thaïlandaises, c'est terrifiant à ce niveau-là. Mais quels sont les exemples que tu me cites, dis ça? Des grands films français. Mais oui. Donc, Graham Greene, ceci dit, il a quand même eu des gros rôles parce qu'il joue dans Danse avec les loups et Cœur de tonnerre, qui sont assez importants. Et aussi dans Maverick, que je ne connais pas, mais je sais que c'est... Et il a joué aussi dans les séries Les Aventures de Dudley le Dragon et Longmire. Bon, c'est pas une énorme carrière. Il a pas joué dans... C'était pas lui qui jouait un chef indien dans Texas Ranger ? Non, c'est possible, je m'en rappelle plus, mais ce serait assez possible, ouais. Il me semble... J'ai des flashbacks du Vietnam. Je suis pas certain de vouloir voir comment il traite un chef indien dans Texas Ranger, mais bon. Percy, il est joué par Doug Hutchinson. Il était relativement en début de carrière, en fait. Il a... Je mentionne, c'est presque de la figuration, mais il joue un garde à un moment dans Le Cobaye, voilà. D'accord, on l'a déjà vu du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout à la télévision qu'il a eu des rôles marquants. Il joue, alors seulement dans deux épisodes, mais c'est visiblement un personnage un peu culte dans X-Files, le personnage de Eugene Victor Toombs. Oui, et oui. Putain, maintenant que tu me le dis, ça me revient. Il joue Toombs. Moi, j'ai toujours pas vu X-Files, mais... Alors Toombs, c'est... Quand je te passerai les X-Files en t'indiquant des épisodes à voir... les deux épisodes avec Toombs seront dedans, parce que c'est des épisodes qui sont terrifiants. Et alors, en fait, Toombs, c'est une espèce de mutant qui a la capacité d'allonger les membres de son corps. Ouais. Tu vois, il peut s'infiltrer chez les gens en passant par les bouches d'aération. Ah, mais je connais, après, il a fondé un équipage pirate, c'est ça? Non. Et en fait, il les tue et il mange leur foie. Ah oui, ça, c'est pas dans le manga. Et du coup, ça lui permet, en fait, d'après d'hiberner pendant quelques années avant de recommencer. D'accord, le concept est intéressant. Ouais. Et du coup, il est pourchassé dans un épisode, et après il revient dans un autre épisode où il termine l'enquête. Et il a joué aussi dans Lost, dans le rôle d'Horace Goodspeed, mais... Là, je me souviens plus du tout. Quoi. Moi non plus. J'ai beau avoir vu Lost intégralement... William Wharton est joué par Sam Rockwell. Ouais. Donc bon, lui, il avait été assez actif déjà auparavant, mais c'est quand même l'anime verte qui va bien bien booster sa popularité auprès du public. Faut dire qu'il est bon dedans. Ouais. Bah, il est presque assez méconnaissable par rapport à ce dans quoi on a pu le voir par la suite. Ouais. Ensuite, on a pu le voir dans Charlie et ses drôles de dames, bon, c'est pas génial. Dans H2G2, ça c'est très bien. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, ça c'est moyen mais ça va. Ah, moi j'aime beaucoup. Ouais, je trouve ça longué moi quand même. Ouais. Dans Three Billboards, dans Jojo Rabbit dernièrement, où il est excellent, et où il joue un nazi, parce qu'on a l'habitude de parler de nazi à chaque épisode, donc voilà, comme ça c'est placé. Sam Rockwell, c'est vraiment le genre d'acteur qui est très bon, mais tu sais pas pourquoi, des fois il fait des choix de carrière étranges. Après, il a peut-être pas non plus tellement eu de le choix des fois. Hein. Oui, après, c'était peut-être un genre tout pourri du cul. Mais... Ouais, et puis quand t'es un peu populaire, mais pas trop trop non plus, voilà, t'acceptes ce qui passe. Charlie et ses drôles de dames, sur le papier, c'était probablement un bon projet. Hein. Après, je pense que Rockwell, en fait, il a... Le problème du Hollywood d'aujourd'hui, c'est qu'il a pas un physique top. Ouais. En fait, il a le cul entre deux chaises. il est entre les deux. Il est entre le physique beau gosse et le physique gueule de cinéma. Donc ça colle pas, en fait. Bah, ça se voit bien dans Jojo Rabbit. Il est à moitié classe et à moitié clodo. C'est ça. Et du coup, bah, malheureusement pour lui, Hollywood d'aujourd'hui n'aime pas trop ça. Mm. Le Hollywood d'aujourd'hui, il faut que tu sois formaté ou alors t'es pas là. Et Darabon l'a laissé pas mal improviser dans son rôle de Wharton, disant que bah, pour un tel personnage aussi imprévisible, ça collait bien, et Rockwell est plutôt bon en impro. Ah, ça se voit qu'il improvise. Ouais. Et là, pour le coup, un élément qui est assez rigolo à voir dans le making-of, c'est qu'il est vraiment adorable avec les deux gamines qu'il est censé avoir tuées. Mais il est vraiment adorable avec elles sur les scènes où ils tournent ensemble. C'est bien qu'en fait, les gamines ont du mal à avoir l'air terrifiées. La moitié des prises, elles sont mortes de rire. Voilà. Darabon n'a donc pas les techniques de Kubrick pour effrayer les enfants. Non. Ce qui est une bonne chose. Non, et Sam Rockwell n'est visiblement pas adepte de la méthode acting. Voilà. Sam Rockwell n'est pas adepte de la méthode Heath Ledger ou Jared Leto. Ouais, alors je crois que le plus beau truc que j'ai entendu récemment sur la méthode acting, c'était de la part de Pattinson, qui a dit « Les acteurs n'appliquent la méthode acting que quand il s'agit de jouer des connards. J'ai jamais entendu un acteur dire qu'il a été gentil avec tout le monde parce qu'il jouait un personnage positif. » Et je trouve ça assez vrai. C'est bien envoyé. Harry, il est joué par Jeffrey Damon, qui est un collaborateur récurrent de Darabont, qui apparaît aussi dans The Mist, The Majestic, Les Évadés dans un vraiment petit rôle, et dans Walking Dead. C'est qui Harry ? C'est un autre des gardiens de prison, c'est celui qui est plus âgé. Ah oui, d'accord. Le plus jeune des gardiens de prison, Dean, est joué par Barry Pepper, qui en était à son début de carrière et qui a depuis joué dans un rôle important dans Trois Enterrements, qui est un excellent film de... comment ? Bah, c'est pas un film de Tommy Lee Jones ? Si, voilà, Tommy Lee Jones, qui est un excellent film de Tommy Lee Jones. Il est aussi dans Mémoire de nos pères de Eastwood, qui est très bien, et dans True Grit des frères Cohen, qui est aussi très bien. Et il recroisera Tom Hanks quelques... Dans quoi ? Bah non, en fait, c'est pas qu'il recroisera, c'est il avait déjà croisé Tom Hanks quelques années avant sur Il faut sauver le soldat Ryan. Ah oui, j'avais oublié qu'il y était. Ah oui. Effectivement. Et autre acteur qu'on a déjà vu dans Christine, celui qui joue, qui a un petit rôle dans La Ligne Verte, il joue celui qui, sur qui il teste la chaise électrique. Oui. Il est joué par Harry Dean Stanton, il joue le détective dans Christine. Ouais, exact. Le budget était de 60 millions de dollars, on peut supposer que la présence de Tom Hanks au générique a beaucoup aidé à avoir un budget plutôt confortable. Oui. Le tournage commence en juillet 98 et se termine le 19 novembre et il se fait principalement dans les studios de la Warner où a été recréé la ligne verte. La plupart du temps, ce sont des vraies souris qui ont été utilisées pour Mr. Jingles. En fait, les scènes à effets spéciaux, c'est juste pour les moments où quelqu'un essaie de tuer la souris et où donc il y a des risques pour l'animal. Encore heureux quoi. Voilà. Et elle a été dressée par Betty Lynn, enfin elles ont été dressées par Betty Lynn et Bounnar, parce qu'il y en a une quinzaine de souris qui ont été utilisées. Le directeur photo, c'est David Tattersall, qui avait pas mal travaillé sur les aventures du jeune Indiana Jones, il avait dû rencontrer là-bas Frank Darabont, ou sur Les Ailes de l'Enfer, le film un peu nul dans mon souvenir. Hein ? C'est très bien Les Ailes de l'Enfer, qu'est-ce que tu racontes ? Je dois confondre avec autre chose. Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage ? Ouais. Malkovich ? Ouais, c'est pas celui-là où tout le monde disparaît dans un avion, un truc comme ça ? Non, Les Ailes de l'Enfer, c'est les prisonniers qui sont transportés et qui s'évadent. Oui. Bah alors ok, il est bien Les Ailes de l'Enfer. Je confonds avec un autre film, aussi avec Cage, où il y a aussi une histoire d'avion et de disparition. Et où à la fin, ils atterrissent à Las Vegas. Oui, non mais je confondais. Oui, tu confonds. Non, c'est cool. Bah c'est pas un film extraordinaire, Les Ailes de l'Enfer, mais c'est vraiment... C'est un actionneur qui fait vraiment le taf. David Tattersall, il a aussi travaillé sur la prélogie Star Wars, voilà, sur Speed Racer, pour le coup, Speed Racer, il y a un travail de photo que je trouve très intéressant. Oui. En même temps, j'adore Speed Racer. Voilà, c'est quand même un film un peu trop sous-estimé. Ouais. Même si j'ai l'impression qu'il regagne un petit peu de sympathie auprès du public. Bah, il est en train de gagner un statut culte, Speed Racer, ce qui est largement mérité, je trouve. Oui, clairement. Et il a travaillé aussi avec Darabont sur The Majestic et le pilote de Walking Dead. Ainsi que sur Meurs un autre jour. Bon, c'était pas le bon épisode, on va dire. Non, effectivement. Et sur The Foreigner, par contre, qui est très bien. Le film avec Jackie Chan. Ah oui, je me demandais. Ouais, et Pierce Brosnan. Ouais, c'est ça. Ah oui. Très très bon, Foreigner. Ouais. Effectivement, la photo était plutôt top dessus. Ouais. Je dis ça parce que la photo, je trouve pas extraordinaire la photo en fait de la ligne verte. Il y a des trucs intéressants sur les lumières, je trouve, quand même. Ouais, je trouve que c'est une photo qui fait très réaliste, en fait. Ouais, je trouve qu'elle est plus lumineuse que ne serait une vraie photo réaliste. Ouais. Je trouve qu'elle a un truc discret, mais elle a un truc quand même. Il y a vraiment que pendant les scènes d'exécution, en fait, où je trouve qu'il y a un vrai boulot qui est effectué, mais sinon, pour le reste du film, ça m'a pas sauté aux yeux. C'est pas horrible. Non, elle m'a pas sauté aux yeux non plus, mais je trouve qu'elle elle aide à donner un côté un peu chaleureux qui est pas inintéressant. Ouais. Après, je préfère une photo qui juste ne saute pas aux yeux plutôt qu'une photo où tu te dis « Ah, c'est dégueulasse !» Oui, à choisir, effectivement, voilà. Voilà. Le production designer, donc tout ce qui est décor, etc., c'est Terrence Marsh, qui avait déjà travaillé sur Les Évadés avec Darabont. Lui, pour le coup, c'est un vieux de la vieille, déjà à l'époque, parce qu'il avait été récompensé pour Docteur Jivago. Donc bon, il était dans le milieu depuis un moment. Effectivement. Il est aussi sur Oliver, pour lequel il a aussi été récompensé, et sur des films comme Basic Instinct, le To Be or Not To Be de Mel Brooks, le frère le plus futé de Sherlock Holmes, de Gene Wilder. Toujours mentionner Sherlock Holmes quand on peut. C'est un petit peu ta marotte. Voilà. À la poursuite d'Octobre Rouge, que je conseille à tout le monde, et effectivement j'aime beaucoup le production design à la poursuite d'Octobre Rouge, les sous-marins sont vachement bien. Il est vachement bien à la poursuite d'Octobre Rouge. Voilà. On est d'accord. La Ligne Verte, c'est son avant-dernier film listé sur IMDb, le dernier étant Rush Hour 2. Ah, je ne dis rien sur Rush Hour, parce que pour moi même le premier n'est pas extraordinaire. Après, c'est toi l'amoureux de Jackie Chan, même si j'aime énormément. Ouais, ça reste pas foufou, hein, faut être honnête. C'est parmi les films occidentaux de Chan, ça reste parmi ceux qui filment le mieux ses chorégraphies, je trouve, à part le 3 qui est une catastrophe. Ouais. Mais les deux premiers filment bien les chorégraphies, mais ça reste pas terrible. Le 3, c'est pire que tout. Hein. Bah, le 3, déjà, il y a Jackie Chan qui se fait fister par Polanski. Non, mais le 3, c'est aussi surtout une avalanche de blagues racistes. Oui. Tout le temps. Ouais. Tu vois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis en plus, le final, c'est un gâchis, parce qu'un final, Jackie Chan sur la Tour Eiffel, c'est génial comme concept, et ça passe juste pas du tout, c'est mal fait, c'est brouillon, enfin il est vraiment nul Rush Hour 3. Ouais, je me souviens, j'avais été le voir au cinéma, j'étais sorti de la salle en mode oh là là, qu'est-ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Au secours. Par rapport au décor de la Ligne Verte, il est plus grand qu'un véritable couloir de la mort. L'intention en fait de Marsh et d'Arabon, c'était qu'ils jugeaient qu'un décor trop réaliste, en fait, ça créerait quelque chose de trop étouffant et trop étroit, au vu de l'histoire qu'ils voulaient raconter, qui avait quand même un côté un peu positif. Il y a aussi eu le choix de mettre les gardiens en uniforme, ce qui n'était pas le cas en 1935, le film se passe en 35. Mais pareil, ils ont jugé avec la personne qui s'occupait des costumes que ça créait quelque chose niveau ambiance d'avoir des gardiens en uniforme plutôt que dans des habits civils. Bah oui, esthétiquement ça rend beaucoup mieux. Voilà. Donc bon, c'est des petites entorses à la réalité qui, je trouve, améliorent les choses. Oui, voilà. Et dernière personne qu'on va citer dans l'équipe, c'est Thomas Newman, le compositeur de la BO. Mmh. Qui commence sa carrière au théâtre avec Steven Sondheim. Ensuite, il entre dans la musique de film en étant orchestrateur sur la scène de la mort de Dark Vador dans Le Retour du Jedi. Donc bon, ouais. Il commence avec des grands, on peut pas lui retirer ça. Voilà. Et il a eu une carrière très active sur... il a fait les musiques de films comme L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ou Rencontre avec Joe Black. C'est un compositeur ensemble dans lesquels je sépare deux types de BO différentes qu'il fait et qui se mélangent, je trouve, assez rarement. Il mélange assez rarement les deux courants dans une même BO. Soit des choses orchestrales assez sentimentales, à la limite du sirupeux par moment, mais dans le sens positif du terme, et plutôt fines. Et des musiques au synthé moins thématiques, plus rythmiques, qui dans l'ensemble m'intéressent un peu moins comme partie de sa carrière. Et il a un record aux Oscars. Il a le record du compositeur le plus souvent nommé, sans jamais avoir reçu le moindre Oscar, parce qu'il a été nommé avec Les 4 filles du Dr. Marsh et Les Évadés en 95, Les Liens du Souvenir en 96, American Beauty en 2000, Les Sentiers de la Perdition en 2003, Le Monde de Nemo en 2004, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire en 2005, The Good German en 2007, Wall-E en 2009, Skyfall en 2013, celle-là c'est la seule de la liste que je ne comprends pas, pourquoi il a été nommé, je veux dire. Dans L'Ombre de Marie en 2014, Le Pont des Espions en 2016, Passengers en 2017 et 1917 en 2020. Ah oui! Et donc sur la Ligne Verte, je trouve qu'il fait un travail agréable, qui accompagne bien les scènes et qui des fois émotionnellement fonctionne bien ou qui accompagne bien la comédie, mais je trouve que ça manque de thèmes marquants qui permettraient d'installer une véritable continuité dans la narration musicale, donc c'est pas son meilleur travail, je trouve. Mais ça reste tout à fait honorable. Ouais, je suis d'accord avec toi. La musique accompagne plus qu'elle n'habille, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu dommage. Le film va rapporter 136,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 150 à l'international, ce qui en fait l'adaptation de King à l'époque à rapporter le plus d'argent, et elle sera détrônée que par ça. Ouais, parce que là ça a rapporté un peu plus de deux fois la mise. Tu veux dire La Ligne Verte ou... Ouais. Plus de deux fois la mise, ne serait-ce que sur le territoire américain, voilà. Quatre fois au total. Les critiques presse ensemble le trouvent un peu moins réussi que Les Évadés, plus larmoyant, moins bien structuré. Dans l'ensemble, la performance de Michael Clarke Duncan est applaudie. Il est même nommé pour l'Oscar, même s'il ne va pas le gagner. Il est nommé aussi pour les Oscars du meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleur son sans les gagner également. Et actuellement, il a 79% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 5e ex aequo avec 1408, et 4,6 étoiles sur Allociné, ce qui le place premier, très loin devant Carrie, qui n'a que 3,7 étoiles. Sachant que ça, c'est la note spectateur, la note presse est de 2,8, donc elle est beaucoup plus basse sur Allociné. King liste La Ligne Verte ainsi que The Mist et Les Évadés comme faisant partie de ses 10 adaptations préférées. C'est un classement qui commence à dater un peu, mais du coup, il aime beaucoup ce que Darabont fait avec son œuvre, visiblement. Percy, je voudrais que tu réfléchisses à ce que tu as fait tout à l'heure. J'ai essayé d'attraper la souris. Vous êtes aveugle ? Tu nous as aussi flanqué une peur bleue à moi et à Bill. Sans parler des détenus, bien sûr. Oui, et alors ? Ils sont pas à la maternelle, les détenus. Au cas où vous ne seriez pas au courant. Cela dit, quand on voit comment vous les traitez, on se le demande. On n'a aucune raison d'en rajouter, Percy. Ils sont déjà sous une telle tension. Un homme sous tension risque à tout instant de déraper, de se faire du mal et de faire mal aux autres. C'est pour ça que notre boulot consiste à parler et non à hurler. Dis-toi qu'ici, c'est comme si on était le service de soins intensifs d'un hôpital. Alors que c'est qu'un seau plein de pisse dans lequel on noie des rats. Pour moi, c'est ça. Et si quelqu'un est pas content, eh bien, je l'emmerde. C'est ça. Allez-y, essayez de me toucher pour voir. Si vous voulez pointer au chômage d'ici la fin de la semaine. Lâche-le, brutal. On sait tous qui sont tes relations, Percy. Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Et tant pis pour nos emplois. Ce sera tout. Remets tout ce bordel dans la cellule de contention, tu encombres mon couloir. Tu peux donner ton avis. Bah, La Ligne Verte, c'est les mêmes qualités que pour le roman, en termes de narration, de personnages, d'écriture. On l'a dit tout à l'heure quand tu parlais de la méthode de sélection des moments clés de Darabont. Bon, il a gardé la majorité des choses du roman. Il a vraiment viré très peu de scènes. La majorité des scènes qu'il a virées, c'est tous les petits entractes en fait qu'il y a dans la maison de retraite. C'est-à-dire que là, on l'a au début de film, en fin de film. Ouais. Apparemment, le personnage de Brad, qui est un gardien de la maison de retraite, qui ressemble un peu à Percy. Au début, il était dans le scénario, mais Darabont l'a supprimé avant de tourner ses scènes, parce qu'il se disait « non, ça marchera pas ». D'accord. Qu'il a viré aussi, bah, c'est toute la partie enquête. Mmh. Ça, c'est un point que je trouve très bien dans le roman. Toute la partie enquête, j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ça gêne pas plus que ça soit pas présent dans le film. Mais du coup, je trouve que la révélation de l'innocence de Café est un peu brute. Elle nous est jetée à la gueule... Elle est jetée à la gueule du spectateur, comme elle est jetée à la gueule de Paul, du coup. Ouais. Mais vraiment de manière brutale. Et je pense que ça aurait pu être amené de manière un peu plus intelligente. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve ça intéressant, justement, que ce soit un truc qui soit imposé. Et pour le coup, dans le film, c'est une vision qu'a Paul, et il voit tout. Enfin, il voit tout dans toute son horreur. Donc, il partage vraiment la souffrance de la manière dont Café voit le monde, où oui. Il voit toutes les souffrances qui l'entourent. Je trouve ça... Ça raconte autre chose, mais c'est intéressant, je trouve. Mmh. C'est à ce moment-là qu'il lui donne une partie de son pouvoir. De ouais, son shining, ça. Parce qu'il faut dire les mots. Il faut ouais. dire les termes au bout d'un moment. John Coffey a le shining. Je pense même que si normalement le shining ne permet pas de soigner. Ah, ça, on ne sait pas. Parce qu'on sait vraiment beaucoup de choses sur le shining, finalement. C'est pas faux. Donc, c'est un film que j'aime bien, La Ligne Verte, même si, comme je disais tout à l'heure, je trouve pas ça fou niveau photo, et même, alors la réalisation n'est pas immonde, mais je trouve que c'est une réalisation très académique. Je préfère la réalisation de Darabont sur un Les Évadés, ou même sur The Mist, plutôt que sur La Ligne Verte. Mais c'est peut-être le côté vraiment huis clos, tout petits espaces, qui fait qu'il peut pas non plus avoir recours à des codes de réalisation ou quoi que ce soit. Je me rappelle plus exactement de celle des Évadés, pour le coup. Il me semble qu'elle est beaucoup plus marquante. Bah là, disons que déjà, t'as plein de passages en extérieur dans les Évadés, ouais. Avec les passages dans la cour et tout et tout. Donc, et du coup, pareil pour The Mist, t'as des passages en extérieur, et même le magasin est quand même plus grand que le bloc E. Mais je trouve la réalisation de La Ligne Verte très académique. Alors, c'est pas un défaut en soi, attention. Bah, elle est très efficace. Des fois, elle fait passer les trucs, notamment au niveau des flashs de lumière, des ampoules qui s'éteignent quand tel ou tel événement se passe. Il y a des choses intéressantes. Oui, on sent que la réalisation est pensée. Il y a des moments où elle est efficace pour transmettre l'ambiance, mais en effet, c'est quelque chose de plutôt... C'est une réalisation de bon élève, ouais, on va dire. C'est ça. Il y a vraiment, pendant les scènes d'exécution, en fait, où vraiment ça se lâche. C'est là que je suis moyennement d'accord, on en parlait en off, avec la critique de... Ling The Sun. De Ling The Sun, qui fait une analyse plan par plan d'une scène que je trouve un peu capillotractée, on va dire, tellement il cherche à rendre chaque plan signifiant, en fait. Il y a des choses pertinentes dedans, mais je trouve qu'il abuse un peu. Ouais. J'ai rien contre le bonhomme, mais bon. Oui. Là, souvent, il aime bien capillotracter les choses. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas vu son 50-50, parce que c'est de cette émission-là qu'il s'agit, pour la ligne verte. Ouais. Je ne l'ai pas vu, donc... Bah, il en a fait deux sur les adaptations de Shining et les deux menaces dubitatifs sur la ligne verte. Il en a fait un sur Shining. Mais sans qu'elle soit extraordinaire, oui, typiquement l'exécution de Delacroix, parce qu'il me semble que c'est de celle-là qu'il parle dans sa vidéo. Ouais. Sans qu'elle soit extraordinaire, je la trouve plutôt effrayante. Oui. Dans ce qu'on nous montre. C'est beaucoup moins trash et détaillé que dans le roman, mais ça forcément, puisque dans le roman, on nous décrit. Et avec on décrit vraiment de manière brute ce qui se passe. Ouais. Alors que là, la caméra, et surtout ce qu'on nous montre, a des moments, j'ouvre les guillemets, de timidité. Parce que on va voir que Delacroix, il est dans l'obscurité, on va pas avoir les détails comme on l'a dans le roman, mais c'est normal. Ouais, même si finalement, vu qu'il a sa cagoule et compagnie, tu vois quand même pas mal de trucs. En fait, ce que tu ne vois pas, c'est logique que tu ne le vois pas. Voilà, c'est ça. Tu le vois, en fait, une fois qu'il est mort, quand ils sont dans le souterrain en bas. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, il y a quelques plans, les plans de Delacroix en train de cramer, je les trouve assez marquants. C'est assez banal, mais entre l'éclairage, la contre-plongée, le fait qu'ils soient en feu, voilà, ça fonctionne pour imposer une vision qui a un côté infernal. Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'exécution de Delacroix, le passage le plus marquant, je trouve, de l'exécution, c'est le moment où Paul va voir Percy, parce que Percy détourne le regard, et là, il le refoue devant, oui. Il lui dit « Tu regardes, c'est à cause de toi ». Ouais. Tu subis ce que tu as provoqué. C'est le passage en fait que je trouve le plus fort au final. Ouais, qui est aussi dans le livre. Oui, ça aussi. Mais effectivement. Le passage est bien amené. C'est ouais. Ce que je veux dire. Ouais. Il est bien adapté. Dans les changements que va faire un peu le film, le livre a deux premières parties assez peu, enfin racontées dans le désordre, qui sont pas chronologiques. Le film va un peu changer l'ordre des événements pour rendre tout ça plus logique et pour ne pas avoir à mettre de flashback. Oui. Par exemple, dans le livre, au moment où Café arrive sur la ligne verte, Mr. Jingles est déjà là, tandis que dans le film, il va arriver alors que Café est arrivé peu de temps avant. Après, la manière dont se passe l'arrivée et l'adoption par Delacroix est à peu près exactement la même, voilà. Mais, mais ça change un peu l'ordre des événements pour éviter les flashbacks. Dans le roman, même Delacroix n'est même pas encore là. Oui, quand Jingles c'est ça. Arrive. Et Jingles le cherche. Justement. C'est ça. On nous fait bien comprendre qu'il semble chercher quelque chose. Ouais. Et c'est Paul qui comprend après. Ah, c'est peut-être Delacroix qu'il cherchait. Mais voilà, sinon il y a plein de trucs effectivement qui sont reprises quasiment à la lettre à certains moments, puisque ça reprend des dialogues du roman. Tout le passage de l'accident de car n'est pas repris dans le film. Tout ce qui concerne la mort de la femme de Paul. Oui, on sait qu'elle est morte, mais on ne sait pas comment. Voilà. Bah pareil, on peut se dire que dans un film, ça aurait peut-être fait un peu bizarre de rajouter, après l'intrigue principale, toute une sous-intrigue autour de ça. Oui, ça aurait rajouté le film une bonne demi-heure en plus. Ouais, enfin peut-être pas autant, mais ça aurait rallongé en tout cas. Et du coup, forcément, vu qu'il n'y a pas tout ce qui est interlude de maison de retraite, on zappe le fait que Paul soit maltraité également, enfin, oui. Connaisse un Percy. Ouais, lui en ça. Maison de retraite et que ça soit du coup la victime de ce mec là, j'ai oublié son nom. Bah Brad, c'est celui dont je parlais. D'accord, ouais, pardon. Dans les choses un peu modifiées, je trouve que la relation entre Paul et sa femme est un peu différente. Mmh. Elle est plus active, je trouve, dans le film. Janice, elle est au courant des pouvoirs de Café assez vite et elle va plus ou moins pousser Paul à justement tenter le coup avec Miranda, la femme du directeur de la prison qui a une tumeur. Elle est beaucoup plus dans le coup que dans le livre où finalement dans le livre elle a à la place d'une femme au foyer des années 30, je pense. C'est ça. C'est quand eux ils sont en réunion, elle va dans son coin. Ouais, c'est ça. Et allez, tu vas là-bas maintenant. Bof. Ce qui marche très bien dans le film, avant d'en venir aux prisonniers, c'est la relation entre les membres de l'équipe. On sent qu'ils sont vraiment soudés. Mm. Bon, surtout les deux principaux, donc Paul et Brutal. Les deux autres aussi. Même les autres, Dean et Harry, ils sont quand même bien présents. C'est marrant parce qu'ils sont toujours foutus ensemble en fait. Donc t'as l'ancien du coup qui est toujours avec le petit jeune. Ouais, c'est ça. Donc ça met une relation un petit peu rigolote. T'as cette scène qui n'est pas dans le roman. Quand ils diffusent un film à café. Oui. Et tu les vois au fond, en train de regarder le film, ils sont là comme ça. Oui. Là d'un côté de l'autre, c'est rigolo. Et ça, ça c'est une scène qui n'est pas dans le roman. Et d'ailleurs, c'est la scène d'ouverture du film, en fait. C'est quand ils sont en maison de retraite et qu'ils regardent le film à la télé et que Paul pleure, en fait, c'est ça qu'il se souvient. Oui, ça, effectivement, le film, c'est pas dans le roman. C'est la dernière volonté de café, en fait, pour resituer pour ceux qui n'auraient pas vu, qui demande à voir pour la seule fois de sa vie un film au cinéma, parce que dans les années 30 il y avait encore des gens qui ne devaient pas savoir ce que c'est, surtout quelqu'un comme Café qui est un peu un vagabond. Et ouais, elle est jolie cette scène là ouais. C'est le petit clin d'œil du réalisateur qui fait une déclaration d'amour au cinéma quoi. Oui. Voilà. Bon là pour le coup la métaphore sur ce qu'est Café, un représentant du bien, un représentant de Dieu, elle est ultra appuyée avec le fait qu'il ait la lumière autour de sa tête. Juste au-dessus. Ouais, voilà, bon là c'est bon, on a compris. Voilà. Franck, ça et va. Puis les deux personnages du film, il dit qu'ils ressemblent à des anges, tout ça. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'il y a aussi une scène dans le roman où qui est une scène de rêve de Paul qui est pas reprise dans le film, où il fait un rêve où il y a Café, un peu en Jésus, et les deux autres qui ont été crucifiés avec lui sont joués par sont Delacroix et Wharton, je crois. Donc celui qui a été sauvé et celui qui ne l'a pas été. Enfin, c'est très appuyé aussi, quand même. Je me souviens plus de cette scène, tiens. Je l'invente pas tout de suite, quand même. Tu me mets à le doute. Ah. J'invente pas un truc comme ça. Non, mais je sais pas. Ça ne me revient pas, donc. Un film bien joué, c'est un cast plutôt confirmé. Pareil de la part des prisonniers, je trouve qu'ils sont tous bien dans leur rôle. Oui. Au début du film, je me suis dit, tiens, si le film avait été fait aujourd'hui, le vieux, ce serait Tom Hanks qu'on aurait maquillé. Apparemment, il y a eu des essais autour de ça, mais ah ouais, c'était pas convaincant. C'était pas convaincant, ça rendait ridicule. Ouais, donc ils ont préféré prendre un autre acteur. Ça aurait été fait aujourd'hui, on aurait foutu du numérique partout. Probablement. Et ça passe. Oui. Voilà. Enfin, ça passe. Ça passe vaguement, quoi. Non, mais ça passe dans le mode. Ah oui, oui, voilà. C'est bon, on envoie. On envoie, les gars, on envoie. Ça se fait plus maintenant de prendre un autre acteur pour jouer le même acteur en plus vieux. Non. On le fait pour jouer le même acteur en plus jeune. Mais encore de moins en moins. Hein, et même ça, on a aussi plus en plus tendance à utiliser des rajeunissements numériques. Voilà, on le fait quand on cherche un enfant. Oui, parce voilà. Là, tu peux pas faire autrement. Bon, et encore, ça va bien venir un jour, Al Pacino qui joue sa version à 5 ans. Alors qu'il en a 90. Voilà. Et on le verra en bébé dans son berceau boité. Parce qu'il a du mal à marcher, comme dans The Irishman. Bon, à la limite, il sait peut-être remplir sa couche encore. Oh. Désolé, Al. Est-ce que je voulais vraiment avoir cette vision, Issam? Il y a une bonne décision qui est prise dans le film autour de Delacroix, c'est qu'on ne sait pas pour le coup pourquoi il est emprisonné dans le film. Et effectivement, là où dans le roman, il y a moyen de... Vu qu'il y a le temps, il y a moyen de nous attacher au personnage. Dans un film, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué de créer l'attachement si on avait su les trucs quand même horribles qu'il a fait. Donc je trouve plutôt intéressant de se concentrer juste sur... C'est un mec qui va être condamné à mort et au final, peu importe ce qu'il a commis, c'est quand même un pauvre malheureux qu'on va tuer. Oui, parce que l'attachement est créé via Mr. Jingle, en fait. Mmh. Dans le film. Parce que tu vois qu'il est sympathique envers ce tout petit animal fragile. Et en général, la majorité des êtres humains, quand tu vois quelqu'un qui est sympathique envers les animaux, tu te dis, c'est une personne sympathique. Ouais, moi ça dépend de l'animal. Mais toi, il y a que les chiens que t'aimes pas. Et les insectes. À la limite, les insectes, tout le monde s'en fout. Oui, même les souris. C'est pas que je déteste ça, mais j'aime pas ça. Oui, mais t'irais pas en faire du mal volontairement. Ah non, chien non plus. Voilà. Il y a quand même. C'est quand même la différence avec Percy, par exemple. Oui, voilà, oui. Là, tu comprends que c'est le mal. Mais pour moi, ça aurait mieux marché avec un chat. Le souci, c'est qu'un chat, il serait pas resté auprès de Delacroix, il serait allé auprès de ceux qui ont la nourriture. Et voilà. dans le film, c'est des bouts de cookies qu'il lui donne. Dans le roman, c'est des bonbons à la menthe. Et ça, je suis pas très sûr que, biologiquement parlant, une souris qui bouffe des bonbons à la menthe, je suis pas sûr que ça soit très bon. Je suis pas certain, mais bon, c'est une souris magique. Voilà. Bah, bref. Mais c'est comme la théorie du journaliste avocat, là, hein, qui dit que les noirs, c'est comme des chiens, ça peut t'attaquer du jour au lendemain. C'est pas vrai. Bon, j'imagine que les chiens ont des raisons quand ils le font, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des accidents où on n'a pas compris, au moins sur le coup, pourquoi le chien attaquait. Oui, sur le coup, mais quand tu farfouilles, il y a toujours une raison. Oui. Bah voilà. Ça, je pense que en effet, dans les années 30, on se posait pas la question. Oui, voilà, c'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, le moindre psychologue animal te dirait, bah non, en fait, il y a toujours une raison à la violence animale. Oui, c'est ça. Mais bon, quand c'est ton enfant de 5 ans qui y passe, je comprends que la raison, tu t'en fous un peu pour le coup. Mais d'autant plus pour un chien, en fait. À la limite, un chat, ça a quand même un esprit félin, un petit peu chasseur, qui lui peut jouer un petit peu, avec ça, un peu violemment. Mais tu mets pas un enfant près d'un chat, déjà, de base. Oui, voilà, de base. Mais c'est juste que, c'est la parenthèse animalière, c'est juste que le chat, il comprend pas qu'il fait du mal. Oui. Tu sais, quand tu joues avec un chat, il sort ses griffes, mais il comprend pas, pour lui, c'est un jeu. Ou alors il comprend et il s'en fout, hein. C'est possible aussi. Non, parce que quand ils sont entre eux, tu vois bien que des fois ils se mordent ou ils mettent des petits coups de griffes, mais c'est juste. Je te torture, Balek. Je pense qu'ils sont plus résistants que nous, au niveau de leur peau, quand ils jouent entre eux. Bref, je ne suis pas un chat. J'en sais rien, mais moi ce que je sais, c'est que mon chat, quand je joue avec, des fois il met des griffes. Et moi ça me fait mal. Et du coup, je lui dis, mais ça fait mal. Et après, il me regarde comme ça avec des grands yeux. Voilà. C'était la parenthèse animalière de l'épisode. Voilà, c'était pour parler un petit peu de cette petite saloperie. Dans le film, de quoi est-ce qu'on n'a pas encore parlé? On n'a pas parlé de café encore. C'est vrai. Michael Clarke Duncan. Il a. Je vois pas quel autre acteur, en termes de carrure, aurait pu interpréter John Coffey dans La Ligne Verte. Ouais. Voilà. Effectivement. C'est le rôle lui va quand même pas encore. Bah là, pour le coup, niveau, je trouve sa première apparition très bien amenée. Parce que ça joue complètement sur sa carrure au début, donc ça montre pas son visage, et donc on a peur de lui, il est immense, tellement immense qu'il fait qu'il casse presque la voiture, donc il inquiète. Bah, dès qu'on voit son visage, en fait, on se dit, mais attends, il peut pas être méchant ce type-là. Oui, parce qu'il a un visage très, très enfantin, en fait. Enfin, très innocent. Très innocent. Alors que oui, quand tu le vois, le mec, il a des biceps qui font deux fois ma tête. Ouais. Tu dis, ah, bonjour, je vais être gentil avec vous, monsieur. Et pour le coup, oui, si, on l'avait déjà vu sur un plan, je crois, avant le plan où il tient les petites filles mortes dans ses bras. Ah oui. Le film commence là-dessus. Et ce plan-là, il a un côté vraiment terrifiant, parce que t'as vraiment l'impression de deux poupées désarticulées, couvertes de sang dans ses bras. Enfin, là, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose d'horrible qui leur est arrivé. Et lui, en plus, il dit quelque chose comme « J'ai essayé de... J'ai essayé, mais je n'ai pas pu faire autrement. » Ouais, voilà, donc ouais. Ça, tu sais pas, en fait, ce qu'il sous-entend. Tu sais pas s'il sous-entend qu'il a essayé d'arrêter, donc de pas les tuer, ou s'il a essayé de les sauver. Enfin, le côté ambigu, pour le coup, est comme dans le roman, en fait. C'est, ouais. Il est bien amené, parce qu'effectivement, à cette époque-là, donc avec un QI légèrement moins développé, hein, les gens de cette époque-là, quand même, pour les questions... d'ethnie, surtout. Bah, question d'ethnie, et puis je pense question de psychologie en général, donc quand non seulement t'es afro-américain, mais qu'en plus t'as ça, ouais. Et t'arrives, tu vois un mec de cette carrure-là, qui a le cadavre de deux gamines dans les bras, effectivement, s'il te dit ça, c'est forcé que tu ne peux penser qu'il est coupable. Ouais, forcément. Bah, surtout que les cadavres ont vraiment, tu sens que vraiment elles ont souffert. Hein, c'est donc, ça. Alors pourquoi pas Souriville? Souriville? Oui, le parc d'attractions en Floride. C'est à Tallahassee, hein? C'est ça, Paul, hein, Tallahassee? Oui, oui, Tallahassee. C'est sur la route qu'on prend pour aller à l'Université des Chiens. Tu crois que... ils engageraient Mr. Jingle? Tu penses qu'il a l'étoffe? Oh bah, il est vachement doué. C'est quoi, votre Souriville? Un grand parc d'attractions. Il y a des spectacles sous un chapiteau. Il faut payer? Tu rigoles? Bien sûr que c'est payant. 10 cents la place, 2 cents pour les enfants. Pour les enfants, oui. Sous le chapiteau, on visite Souris City. La ville des souris. Elle est faite avec des petites boîtes. des rouleaux de papier. Il y a des petites fenêtres pour voir à l'intérieur. Mais ce qui a le plus de succès, c'est le grand cirque. Avec des souris qui font du trapèze, qui font rouler des petits tonneaux, ou mettre des sous dans une tirelire. Ah oui, oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut, Mr. Jingle. Ouais. Tu vas devenir une souris de cirque. Tu vas vivre à Souris City, en Floride. Mais, et encore une fois, ce que j'aime bien, avec le côté enquête qu'il y a dans le roman, c'est que t'as un fil conducteur à tout ça. Oui. Tu sais, c'est... On l'a pas évoqué, justement, ça va être l'occasion. Dans le roman, il te dit qu'un jour, il a compris que Café savait pas faire ses lacets. Oui. Et donc, du coup, il en déduit que c'est pas possible qu'il ait filé des bouts de son sandwich au Kleps pour ensuite le tutel l'amener vers lui pour le tuer, parce que il n'aurait pas pu ressaucissonner après son sandwich, qui ouais. était en saucissonné. Et du coup, j'aime bien ce ouais, côté déduction qu'il y a dans le roman. Et c'est pour ça que je trouve quand même que c'est un petit peu dommage que ça soit pas dans le film, mais bon, c'est pas non plus. Là où je trouve aussi intéressant le roman, c'est par rapport à la mort du chien, où dans le roman on s'en sert pour le mettre sur le dos de Café en disant faut une force surhumaine pour fuir le chien, tandis que dans le film il y a un des personnages, je sais plus lequel, qui dit non mais en fait un chien comme ça, n'importe quel gringalet en faisant bon geste, ouais. il le tue sans problème. Ouais. Donc on sent qu'il y a quand même un côté très partial de la part du jugement qui a tout fait pour que ce Café ait tout contre lui. Décision du film, compréhensible, mais peut-être un peu dommage. Il y a certaines répliques ou certains trucs qui normalement vont à d'autres personnages que Paul, qui sont donnés à Paul pour souligner son côté personnage principal. Par exemple, quand il engueule Percy après que Percy ait piqué une crise en essayant de tuer Mr. Jingles. Ah oui. Dans le roman, c'est Harry, je crois, qui lui fait la leçon. Et c'est normalement plutôt Brutal qui donne les directions aux exécutions. Et tout à la fin, tu sais, il y a... dans le roman, c'est Brutal, et dans le film, c'est Paul, quand il dit « Qu'est-ce que je dirais à Dieu une fois au paradis quand il me demandera pourquoi je t'ai tué ?» Je dirais « J'ai fait mon travail. » Oui, c'est ça. Ça permettait de développer un peu les personnages secondaires dans le roman. C'est compréhensible, mais peut-être un poil dommage que ça change de personne dans le film. Parce que du coup, ça les laisse un peu de côté, quoi. Ouais. Au final, ils sont surtout bien présents grâce au très bon travail du casting. Oui, voilà. Parce que c'est quand même un casting totalement fou. Hein. Ils sont tous très très bons. Ouais. Ça fait longtemps. Percy est détestable. Oui. Voilà, comme il doit l'être. C'est pour ça. Mmh. Et en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé un film dans ce podcast-là où tous les acteurs sont bons. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait bien plaisir. Parce que même le précédent film qu'on a abordé, qu'on a beaucoup aimé, Le Rapace Nocturne, ouais. L'acting, mis à part le personnage principal, l'acting n'est pas foufou tout le temps. Oh, ça allait, la journaliste, elle était bien aussi, je trouve. Ouais, mais c'était pas... Mais oui, c'était pas... les trucs secondaires qui étaient pas extraordinaires. Ouais, c'est ça. Alors que là, tout est bon. Mm-hmm. Alors, ils racontent tous que, visiblement, tourner, même dans un faux décor de ligne verte, enfin de couloir de la mort, à force psychologiquement, c'est assez éprouvant, visiblement. Ah ouais. Ouais. Bah, j'imagine aussi que voir une, même si c'est qu'une réplique, voir une réplique de Miss 100 000 volts, comme ils l'appellent dans le film et dans le roman, dans les deux, Miss 100 000 volts, ça doit pas faire du bien psychologiquement non plus, je pense. Ouais. King y a été attaché d'ailleurs. Oui, je sais. Quand il est passé sur le tournage. J'ai lu cette info, moi j'aurais jamais dit oui. Il a l'air très content. Putain, il est vraiment psychopathe. Mm. Moi j'aurais dit jamais de la vie. Dans le making-of, tu trouves aussi des vidéos de Tom Hanks qui imite Percy. C'est rigolo. C'est un film qui repose sur plein de gens qui savent très bien faire leur boulot, sur un scénario très solide, ça, clairement. Enfin, Darabont a l'air très attaché à ses scénarios, pour le coup, visiblement. S'il n'a pas un scénar qu'il juge très bon, il y va pas. Il dit qu'il fait pas partie de ces réalisateurs qui sont capables d'improviser... Ça avec explique. Un scénario bancal. Ça explique pourquoi il a, tout au long de sa carrière, réalisé si peu, au final. Oui. Parce que c'est pas le réalisateur de 10 000 films. C'est même pas le réalisateur de 10 films. Effectivement, ouais. Donc voilà, il a réalisé quoi? 5 Bah, je crois, ouais. 5, ouais. Donc ceci explique cela. On verra bien s'il revient à l'occasion, parce que ouais, ça commence à faire très longtemps qu'il n'a pas grand-chose. Après, ça veut rien dire. Il y a des réalisateurs qui ont réalisé des dizaines de films et qui sont très bons. Hein, on aime tous les deux Jean-Pierre Mocky. Ouais. Voilà, t'aimes beaucoup Takeshi Miike, même si bon, lui c'est. Bah, Mocky, il y a des inégalités aussi, hein, mais. Mais voilà. Et oui, les deux ont été. Bah, tu adores Woody Allen. Ouais. En termes de production, voilà, le mec se pose là. Il en réalise au moins deux par an, quoi. Non, c'était plus un par an, Allen. Ouais, il y a quelques années, il en a fait deux. Pas tant que ça, finalement. Ah, d'accord, finalement. Enfin, c'est déjà pas mal, un par an, tu me diras. Il y a un réalisateur japonais appelé Hiroshi Shimizu aussi qui, je crois, en une trentaine ou maximum quarantaine d'années, a dû réaliser quasiment 200 films. Ah putain, les gars sont fous. Mais donc voilà, si quantité ne veut pas dire qualité, l'inverse est égal et vrai aussi. Oui, oui, voilà. Mais ouais, Darabont, j'ai l'impression qu'il prend toujours des projets qui lui tiennent à cœur, en tout cas. C'est ça le plus important. Ça, voilà. C'est ça le plus important. Au moins, tu sens une parfaite sincérité quand il en parle. Voilà, parce que après, sinon, on devient un yes man et après, on s'appelle John Favreau. Et est-ce que tout le monde a envie d'être considéré comme John Favreau? Je ne crois pas. Non, pourtant, il a fait 2-3 bons trucs, hein, mais bon. C'est bien lui, les premiers Iron Man. Oui, les deux premiers. Oui, ça va. Les deux premiers, c'est lui. Mais ça reste pas non plus les meilleurs films. Ah non, non, loin de là, oui. Et même pour beaucoup, Iron Man 3 est supérieur aux deux premiers. Ah bah pour moi d'ailleurs. Donc voilà. Ouais. Sur la ligne verte, est-ce que t'as des choses à ajouter, toi? Bah non, mis à part que. C'est comme le livre, allez-y. Ouais, il y a un peu plus de comédie que dans le livre. Il y a plus de scènes qui sont traitées sur un mode assez léger pour des fois faire retomber un peu la pression. Ouais. C'est plutôt une bonne idée, je trouve. Vraiment très très léger. Vous attendez pas à exploser de rire? Non, mais à la limite, tu vois, par exemple, les scènes où William Wharton est amené en cellule de confinement, elles sont traitées plutôt sur le ton comique. Là où, toutes les scènes où il improvise, quoi. la scène où il mâche le gâteau pendant des heures... C'est dans le livre, ça. Oui, c'est dans le livre. Mais celle où il a une mimique incroyable. Ouais. Avec sa gueule, là. Et pour le coup, j'aime beaucoup aussi la réplique qui est aussi dans le livre, mais qui est parfaitement prononcée par Tom Hanks derrière. Tu dois admettre que c'est plutôt imaginatif quand même. Celle-là, je la trouve vraiment bien. Mais non, un très très bon film. Mm-hmm. Voilà. Et il y a le comics, il y a la BD porno. J'ai pas fait gaffe dans le film si c'est Popeye, mais il y a peur, la BD porno. Tu me disais qu'il y avait une BD porno, la ligne verte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors. Une histoire avec un grand afro-américain qui met sa main sur le pénis d'un de ses gardiens en prison. C'est vrai. Je pense que t'en trouves, hein, ça c'est pas un souci. C'est vrai qu'il y a ça. Mais je les ai pas vus, je les ai pas vus ni lus. C'est vrai. Et accessoirement, j'ai presque un regret que Tom Hanks ait pas été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur et qu'ils aient pas mis, tu sais, en petit extrait le moment où il peut pisser sans souffrir pour la première fois à l'Académie des Oscars. Mesdames et messieurs, Tom Hanks. Oh là là, mais cette scène-là, en plus, tu vois le soulagement sur sa tête. C'est bien joué. Oui, bah il joue bien. C'est juste que sorti du contexte, c'est un peu rigolo. Voilà. Ah si, petite scène qu'on n'a pas évoquée, la scène où Café utilise Percy comme arme, du coup, pour tuer le tueur des deux petites filles. Oui, c'est ça. Wharton. C'est ça. Parce qu'il, du coup, il soigne la femme du directeur en faisant comme d'habitude, en prenant le mal qu'elle a en lui, en l'avalant. Et en fait, il le garde, on comprend du coup qu'il le garde tout le chemin du retour, parce qu'il y a un passage du coup où il s'évade de la prison pour l'amener là-bas. Il le garde tout le chemin du tour pour ensuite le recracher dans la gueule de Percy. Ouais, et donc pour le diriger comme une marionnette le temps de tuer William Wharton. Voilà, avant et c'est ça qu'on fait qu'après Percy ne s'en remet jamais parce qu'il a eu trop de mal en lui pour s'en sortir, peut-on supposer. Et du coup, ça fait qu'en fait, tous les prisonniers de la ligne verte qu'on a vu dans le film ont leur exécution. Oui. Du coup, on les voit tous se faire exécuter. Alors Wharton, du coup, pas de manière légale. Ouais, mais bon. Premier sens du terme. Mais bon, c'était pas trop... Mais sa mort est plus, entre guillemets, digne, et c'est ce que j'ai trouvé bizarre, digne dans le film que dans le roman, parce que dans le roman, il est abattu comme un chien alors qu'il est en train de dormir. Alors qu'il est en train de dormir, tandis que dans le film, il est au moins réveillé. Il se réveille, et j'ai pas compris... Vraiment, je comprends pas pourquoi. Pourquoi Darabont n'a pas laissé... Vraiment mourir comme un chien, en fait, comme ce qu'il mérite, en fait. Pour rendre ça plus marquant, j'imagine. Ouais, je sais pas. Visuellement, peut-être que ça aurait été moins frappant. Oui, effectivement, ça aurait été intéressant. Visuellement, en termes de mise en scène, oui, il y a plus d'impact, parce que le gars se prend des balles, il est projeté au mur, il s'écroule par terre. Oui, Ça aurait peut-être un peu plus choquant s'il avait été endormi. Hein. Peut-être, mais du coup, je trouve que le message est plus clair dans le roman que dans le film. Parce que vraiment, il meurt dans la manière dont il doit mourir, abattu comme... Sachant qu'au final, on peut en plus considérer que... on peut se questionner sur la question de la peine de mort, de la vengeance et compagnie. Mais étant donné que Café est dans le roman un représentant finalement plus ou moins de Dieu, au final c'est la justice divine qui s'applique à Wharton plutôt que la justice humaine. Bon, je suis pas forcément super d'accord avec le délire, mais ça se tient. Ça, c'est comme souvent chez King. Ouais. On en a déjà parlé, hein, King, c'est assez ambigu hein, de ce côté-là. T'as l'impression que des fois, la religion, il s'en carre le cul, et puis des fois, c'est... Moi, je pense qu'il est croyant, mais avec peut-être une certaine distanciation par rapport aux institutions et à certaines choses. Oui, bah déjà, ce qu'il aime pas, ça on le sait, c'est les extrémistes. Oui, ça c'est très récurrent, donc ouais. Ça, s'il peut taper sur les extrémistes, chrétiens surtout, il se prive pas, ça on le sait qu'il aime pas ça. Mais vraiment, t'as des fois où tu te dis, bah, t'es croyant ou t'es pas croyant, on sait plus. Par moments, je pense qu'il l'est, je pense que comme beaucoup d'Américains, il l'est. Hein. Bien croyant, bien progressiste. Voilà. Donc voilà, bah, un bon film, regardez-le. Et nous, on passe à une scène. On passe à une scène. C'est parti. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Très bien, nous allons lire une scène qui arrive vers la fin du roman et du film, puisque c'est une des dernières discussions entre Paul et John Caffey, quand il vient lui demander ses dernières volontés. Je lis l'édition J'ai lu, et nous sommes à la page 463. La traduction est de Philippe Rouard. Et donc c'est Paul, qui parle en premier. Et maintenant, que penses-tu d'un pasteur? Quelqu'un avec qui tu pourrais dire une petite prière? Ça réconforte, je l'ai souvent remarqué, je pourrais appeler le révérend Schuster, c'est lui qui est venu pour Dell. Non, je veux pas de pasteur. Vous avez été bon pour moi, boss, vous pouvez dire une prière si vous le voulez. Ça m'ira. Je peux même m'agenouiller un peu avec vous. Moi? John, mais je ne peux pas. Il a resserré légèrement ses mains autour des miennes et l'impression de picotement s'est faite plus forte. Vous pouvez, il a dit. Un boss que vous pouvez. Après tout, pourquoi pas? Je me suis entendu répondre d'une voix qui résonnait comme un écho. Voilà, j'ai éprouvé maintenant la même sensation que le jour où il m'avait guéri de mon infection. Mais en même temps, c'était différent. Et pas seulement parce que je n'avais mal nulle part. Non, la différence venait de ce que, cette fois, John ne savait pas qu'il agissait sur moi. Soudain, j'étais terrifié, étouffant presque du besoin de sortir de cette cellule. J'avais l'impression que des lumières s'allumaient partout en moi, pas seulement dans ma tête, mais dans tout mon corps. « Vous et M. Howell et les autres, vous avez été bons pour moi, » disait John Caffey. « Je sais que vous vous êtes fait du souci pour moi, mais vous pouvez arrêter maintenant, parce que j'ai envie de mourir, boss. » Je voulais lui répondre, lui dire quelque chose, mais j'en étais incapable. Lui pouvait. Jamais je ne l'avais entendu parler aussi longuement. « Boss, je suis fatigué à cause de toute la souffrance que j'entends et que je sens. Je suis fatigué de courir les routes et d'être seul comme un merle sous la pluie. De pas avoir un camarade avec qui marcher ou pour me dire où on va et pourquoi. Je suis fatigué de voir les gens se battre entre eux. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans la tête. Je suis fatigué de toutes les fois où j'ai voulu aider et que j'ai pas pu. » Je suis fatigué d'être dans le noir, dans la douleur. Il y a trop de mal partout. Si je pouvais, il n'y en aurait plus, mais je peux pas. Arrête, j'ai essayé de dire. Arrête, lâche-moi les mains, je vais me noyer si tu me lâches pas. Me noyer ou exploser. Vous exploserez pas, boss, il a dit en souriant un peu à cette idée, mais il a libéré mes mains. Je me suis penché en avant, le souffle court. Entre mes genoux, je pouvais distinguer la moindre fissure dans le sol en ciment, le trou le plus infime, l'éclat du gravier le plus minuscule. J'ai levé les yeux et j'ai vu les noms qui avaient été inscrits sur le mur en 1924, 1926, 1931. Ces inscriptions avaient été nettoyées, et leurs auteurs aussi, si l'on peut dire. Mais je suppose qu'on n'efface jamais rien complètement, pas dans la fosse noire de ce monde. Et à présent que je les regardais, ces noms entrelacés, j'avais le sentiment d'entendre le chant oublié des morts. J'entendais les pulsations de mon cœur, je sentais mes yeux battre dans leurs orbites et jusqu'à mon sang courir dans toutes les veines de mon corps, avec l'impétuosité d'un torrent. J'ai entendu un train siffler au loin, le 3h50 de Price Ford, je crois, mais je n'en étais pas certain, parce que c'était la première fois que je le remarquais. En tout cas, depuis Cold Mountain. Voyez-vous, ce train passait à plus de 15 km du pénitencier, autrement dit hors de portée d'une oreille humaine, du moins avant cet après-midi de novembre 32. Quelque part, une ampoule a explosé avec le fracas d'une bombe. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» j'ai murmuré. « Oh John, qu'est-ce que tu m'as fait ?»« Je regrette, boss, » il m'a dit avec sa tranquillité coutumière. « Je faisais pas attention. »« Pas beaucoup, en tout cas. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. » Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte de la cellule avec l'impression de marcher dans un rêve. Je l'ai entendu dire derrière moi. « Vous vous demandez pourquoi elles n'ont pas crié ?»« C'est la seule chose que vous vous demandez encore, hein, boss ?»« Pourquoi ces deux petites filles n'ont pas crié quand elles étaient encore dans la véranda ?» Je me suis retourné. J'étais capable de distinguer la plus fine des vénules rouges striant ses yeux, chaque pore de sa peau, et je pouvais ressentir sa souffrance, la douleur qu'il recueillait des autres comme une éponge s'imbibe d'eau. Je découvrais aussi les ténèbres dont il avait parlé. Elles s'entendaient dans tous les espaces du monde tel qu'il le vivait, et à cet instant j'ai ressenti pour lui de la pitié, en même temps qu'un grand soulagement. Oui, c'était une chose terrible que nous allions commettre, une chose irréversible, et cependant nous lui rendrions un service. Je l'ai compris quand ce mauvais homme, il m'a attrapé, a dit John. C'est là que je l'ai reconnu. Ce jour-là, j'étais dans le petit bois de saule et je l'ai vu les lâcher et se sauver en courant et puis... Tu as oublié ? C'est vrai, boss. J'ai oublié et je me suis rappelé quand il m'a touché. John, pourquoi elles n'ont pas crié ? Il leur a fait mal, elles ont saigné, leurs parents étaient dans la maison, alors pourquoi elles n'ont pas crié ? John m'a regardé de son regard hanté. Il a dit à l'une, « Tu fais du bruit, je tue ta sœur. » Il a dit la même chose à l'autre. « Vous comprenez ?»« Oui, » j'ai chuchoté. Je voyais la véranda dans l'obscurité, Wharton penché comme un ogre sur les petites. L'une d'elles avait peut-être poussé un cri, alors Wharton l'avait frappée et elle avait saigné du nez. C'était sûrement du nez qu'était venu le sang. « Il les a tuées avec leur amour, » a dit John. « Leur amour de sœur jumelle. Vous avez compris maintenant, boss ?» J'ai hoché la tête, j'étais incapable de parler. Il a souri, il s'était remis à pleurer, mais il souriait en même temps. « C'est comme ça tous les jours, » il a encore dit. « Partout dans le monde. » Puis il s'est allongé sur sa couchette et s'est tourné vers le mur. Très bien, et maintenant, la même scène dans le film. Et est-ce que tu veux qu'un prêtre ou un pasteur vienne prier avec toi ? Je veux pas de pasteur. Vous pouvez dire une prière si vous voulez. Moi ? Après tout, s'il le faut, pourquoi pas. John, j'ai quelque chose de très important à te demander maintenant. Je sais ce que vous allez dire. Il faut pas le dire. Non, j'y tiens. Il faut que je te le dise. John, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir et que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que c'était mon travail. Tu parles d'un travail. Vous pouvez dire au Tout-Puissant que c'était un acte de charité. Je sens que vous en souffrez. Et je sens en moi votre douleur. Mais il faut que vous arrêtiez. Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais... des bouts de verre dans ma tête. Tout le temps, pas trop. traîner. Oui, John, oui, je crois. Il y a bien quelque chose qu'on peut faire pour toi? Il n'y a pas une chose dont tu aies envie? J'ai jamais, jamais vu un film. Si on a choisi cette scène, c'est déjà parce que c'est la dernière entrevue entre Café et Paul, et que autant dans le roman que dans le film, ça apporte une véritable conclusion à leur relation, et surtout un gros développement sur le personnage de Paul, déjà, qui prend conscience que même si ce qu'il va faire est entre guillemets mal, parce qu'il va quand même envoyer un innocent sur la chaise, enfin c'est pas lui qui le décide, mais il est obligé de le faire, mais il comprend que c'est la volonté de Café qui en a marre d'être sur cette terre et de subir tout ce qu'il subit, puisque lui il ressent les émotions des gens et tout, le mec est super empathique en fait, donc ça lui pèse moins. Et bah déjà dans le roman, c'est très bien écrit, et dans la version cinéma, bah, t'as le talent des deux acteurs qui fait que la scène est très puissante. C'est là que Thomas Newman aurait pu briller, et où malheureusement, comme on l'a dit au tout début de notre avis sur le film, il fait quelque chose d'un peu plan-plan, en termes de musique. Alors que la scène avait tout à y gagner. Ouais. Et c'est dommage du coup. Bah, la scène est une adaptation assez fidèle, ça reprend le discours de Café est repris quasiment au mot près sur certaines phrases. Il y a des bouts d'autres dialogues, on l'a dit, qui sont repris à d'autres moments en fait, du roman et qui étaient à d'autres personnages, qui étaient plutôt à Brutus. Mais oui, c'est une scène puissante. Apparemment, le tournage a été assez... intense pour les deux acteurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer. Mais ouais, c'est le grand moment de Café. Bon, c'est la scène qui maintenant est devenue limite cliché, tellement on a repris ce discours de Café, j'ai l'impression que c'est devenu un de ces discours qui sert à la moitié des gifs de la Terre pour dire « Oh, le monde est pourri, on te met John Café qui fait son discours », donc ça c'est un peu dommage. Mais ça reste un très beau moment. Oui. Et effectivement, bah, ça donne un côté doux amer, parce que Paul ne perd pas complètement tout de même sa culpabilité pour tuer Café. C'est un truc qui le hante dans le film comme dans le livre jusqu'à la fin de ses jours. Il a l'impression d'avoir éliminé un miracle de Dieu. Oui. Et même lors de l'exécution dans le film, ils sont tous dévastés. Oui. Ils sont tous... certains au bord des larmes, d'autres craquent totalement. Ouais. Notamment le plus jeune. Ouais. Qui lui, alors que Brutus, justement. Non, c'est Paul qui lui dit de sécher ses larmes en se redressant. Ben, au final, il peut pas, quoi. C'est aussi dans le livre, d'ailleurs, ouais. Le fait qu'il y en ait une partie qui craque. Alors, c'est marrant, par contre, parce que. Enfin, c'est marrant. Celui qui enclenche l'électricité, donc qui est dans le petit cabanon à côté, ouais. Lui aussi est en larmes. Alors que dans le film, à aucun moment, on le voit être avec Café ou avoir des interactions avec les autres. Ouais, il est plus distant, mais on peut se douter qu'il fait quand même un peu partie du groupe. Mais ouais, dans le film, les seules fois où on le voit, c'est pendant les exécutions ou les entraînements. Donc tu dis, bah, qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Je trouve aussi intéressant, enfin, et plutôt efficace, la révélation par rapport à la méthode de Wharton. Mmh. Pour le coup, ça, c'est bien pensé, et effectivement, ça a un côté plutôt marquant, cette manière de manipuler les enfants. Ça intervient au tout début de film. La toute première réplique du film. Oui, tu l'entends en tout début de film sans forcément savoir à quoi c'est relié. C'est ça. Mais oui, c'est le truc, l'injustice qui va hanter Paul jusqu'à la fin de ses jours. Mmh. Il les a tués avec leur amour. Mmh. Mais ouais, bah, ça fait bien comprendre aussi la souffrance et à quel point le pouvoir de Café est aussi une malédiction en fait, qui va rester. Enfin, qui fait que c'est très difficile à vivre pour un homme. Et c'est surtout très défaitiste aussi. Oui. Ce qui nous fait comprendre que c'est comme ça partout dans le monde, quoi qu'il en soit. Que même si lui essaye dans son coin d'améliorer certaines choses et d'aider les personnes qui croisent, le reste du monde subira quand même toujours ce genre de drame. Ouais, la quantité de bien est limitée par rapport à la quantité d'horreur. Donc c'est quand même un final et un discours très défaitiste. Alors encore une fois, c'est quand même c'est très King. Hein. Oui, c'est rarement... C'est pas un auteur... Les méchants du livre sont punis, mais il y en a plein d'autres partout. Voilà. C'est pas un auteur qui brille pour pour sa positivité, ouais. N'est-ce pas ? En général, bon... Bah, c'est souvent doux-amer comme ça, en fait. C'est soit ça, soit la fin n'est que le commencement d'un autre drame, quoi. Ouais. Et là, là, c'est un peu des deux, en fait. Mmh. Parce qu'après, on sait que Paul va devoir... avoir, oui, tout ça sur sa conscience encore de nombreuses années. Et comme il le dit lui-même, bah, il sait pas combien de temps il va vivre. Parce que si Café a pu faire vivre une souris jusqu'à 60 ans, bah, oui. Qu'est-ce que ça va être pour lui ? Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que, encore une fois, que la fin, la dernière phrase du roman est tellement poignante. Mmh. Qu'est-ce qu'elle est longue, la ligne verte, quoi. On va la citer exactement, tiens, pour bien le faire, pour bien rendre hommage. C'est ça, parce que dans la phrase, la ligne verte, ça représente surtout, bah, au final, la vie qui nous reste à vivre. Mais parfois, ô Dieu, que la ligne verte est longue. Voilà. Et oui, c'est ça. Bah, associer la vie à la ligne verte, donc à quelque chose qui est associé à la mort, c'est vrai que ça montre bien un personnage lassé. C'est ça. Qui en a marre. Hein. C'est l'une des fins de roman, je trouve, les plus poignantes chez King. Oui. Bah c'est... Oui, elle fait partie... Oui, poignante, je dirais. Après, des défaitistes qui, moi, me touchent pas mal. Il y en a plusieurs autres, quand même. Mais c'est vrai que celle-là est particulièrement poignante. Et voilà. C'est rigolo parce que c'est un peu l'inverse des évadés, qui a une fin plutôt positive. Deux visions différentes des récits carcéraux. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, vous avez vu un peu le talent de... Enfin, entendu le talent de Michael Clarke Duncan et de Tom Hanks... Il brille pendant tout le reste du film, avec tout le reste du casting. Au final, encore une fois, regardez le film. Oui. Et à moins que tu aies des choses à ajouter, on va pouvoir noter. Enfin, bien, classer. Passons au classement. C'est parti. Comme d'habitude, nous commençons par le classement des livres. Nous avons actuellement 32 titres dans notre classement. Les 5 premiers étant au cimetière, ça, Charlie, La part des ténèbres et Dead Zone. Et les 5 derniers étant, à partir du 28e du coup, le Dentier Claqueur, La Pastorale, donc le cobaye, L'année du loup-garou, Dr Sleep et Grand Chauffeur. Alors, la ligne verte. Bah déjà, comme évoqué tout à l'heure, moi ça me fait beaucoup penser à Crapule de bas étage, donc à Cœur perdu en Atlantide. Logiquement, dans ce secteur-là, que je regarderais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. C'est donc aux alentours de la 10e, 9e, 8e place. Moi, je le mettrais même au-dessus des Langoliers. Donc à la 7e place, il prendrait ? Ouais, moi je le mettrais même au-dessus des Langoliers. Je réfléchis à ce que je préférerais relire Cujo ou La ligne verte. Que j'aime quand même beaucoup La ligne verte. Pour le coup, moi, je pense que j'aurais une préférence, pour Cujo, mais bon, si tu veux le mettre au-dessus, ça passe. Non, pour moi, entre Cujo et Les Langoliers, ça me va bien. Ouais. Si toi aussi, ça te convient. Ouais, bah donc 7e place entre Cujo et Les Langoliers. Voilà. Pour les films, nous avons aux 3 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et No Smoking d'Anurag Kashyap, et aux 3 dernières Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Dr Sleep de Mike Flanagan en 42e. Et donc, la ligne verte. Bon, pour moi, déjà, ça, c'est clair que ça va être du top 10. Mmh. Ensuite, ça va être du top 10, mais ça va pas non plus être... C'est pas du top 5, par contre, ouais. Pour moi, clairement. Parce que top 5, c'est des films qui m'ont vraiment beaucoup marqué. La ligne verte, c'est super bien joué, et on l'a dit, c'est efficacement filmé, il y a plein de bonnes choses. Mais voilà, j'aurais peut-être... je suis moins admiratif. Il y a peut-être une ou deux scènes un peu longuettes ou qui me marquent un peu moins quand même. Donc pour moi, ça irait. En fait, ça va être à peu près comme pour les livres. Ça irait dans la même zone que Cœur perdu en Atlantide, mais je n'arrive pas à savoir si je le mettrais avant ou après. Avant ou après Cœur perdu ? Ouais. Bah, tu préfères Anthony Hopkins ou Tom Hanks ? Bah, c'est un peu la question, en fait, limite. Pour l'ensemble de sa carrière, bah, je sais pas, en fait, les deux se valent. Ouais, c'est ça. Les deux ont une carrière solide. Les deux sont d'excellents acteurs. Ah oui, c'est compliqué quand même. À la limite, on peut dire avant, pour celui aussi Michael Clarke Duncan et David Morse, qui était aussi dans Cœur perdu en Atlantide, ceci. Oui. Dans un tout petit rôle. Il y a aussi. Eh ben oui, il joue le gamin plus jeune, plus vieux. Ouais, c'est ça, il joue la version âgée du héros. Il le joue en version adulte. Mm. Écoute, comme tu veux, que ça soit au-dessus ou en dessous, moi ça me va. Bon, allez, disons au-dessus. Donc à la 9e place. Ok. Donc voilà, la ligne verte prend la 9e place entre La part des ténèbres et Cœur perdu en Atlantide. Donc c'est fini. C'est fini pour cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @augrédébule pour moi. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur Discord, le lien sera mis dans la description. Nos différents projets, on en rediscute, voilà, on voit comment ça va reprendre. C'est ça. Pour le Vidéoclub lui-même, en tout cas, on sait que c'est dans 2 semaines, le prochain épisode. Qui sera sur Dans les hautes herbes. Voilà, écrit par King et Joe Hill et réalisé pour le film par Vincenzo Natali. Voilà. Et en attendant, n'oubliez pas... que le Vidéoclub de Castor Lorek est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.